Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 19 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast, partie 2 de 2 du post-mortem. 2 de 2. C'est le dernier, deuxième take du 2 de 2. Avec du son cette fois-ci, et ce sera le dernier show de la saison. Mais l'alignement de départ pour ce dernier podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Yeah. Le numéro 24, Marc Véro. Le numéro 98, Alex Galipo. Et le numéro 75, votre animateur, Jeff Crown. Oui, Alex avec son chandail qui a commencé à sécher. Et on remercie les gens qui étaient présents dans le chat pour nous avoir averti qu'on avait parlé de 10 minutes, pas de son en live, parce que j'avais oublié de plugger un fil. L'excitation du VR, là, puis la bière avant. Vous allez avoir un bon karma. Fait que finalement, on a tous perdu ceux qui nous écoutaient. Ouais, personne n'est là. Parce que tout le monde faisait « Hey, c'est de l'ostinement, ton mental en place, c'est une crise de choses, là. » Bullshit. Le monde qui venait checker ça pour la première fois. C'est un clickbait. Ah, c'est ça. La force, c'est un show pour sourds et muets. Faut utiliser ses lèvres de côté. Pas de signe, ouais, c'est ça. C'est pour les liseux de lèvres avertis, man. Avec les micros de lèvres. Sourds et muets, lèvres avertis. Moi, j'étais un liseux de lèvres averti. OK. Pas que ça dérape. Mais ben bon, ça dérape parce qu'on s'est tapé un petit Weber barbecue avant ça. Ouais. Weber Burger. Weber Burger. Les Lars Burger ont été échangés. Un barbecue Weber style. Weber style. Fait qu'on va aller faire l'avant-match. Vas-tu de Michigan? T'es à la fin. Qui? T'es à la fin. T'es à la fin. Complet. Elle Joker. Au complet. Au complet. Donc, on va donner les positions du pool des playoffs. Encore! Ouais, malheureusement. Ah, ben, j'ai cherché de la bière pendant ça. Vas-y, Mart, je vais donner ça rapidement pour ce que ça vaut, parce qu'après ça, ben, vous devez suivre notre Facebook pour voir les gagnants, parce qu'on n'aura pas d'autre show. Non, Misty, laisse-moi un break pendant l'été. On profite de l'été. Non, j'ai dit qu'on allait faire un live, moi, si Subban ramenait la coupe à Montréal, au Children, je vais aller... Le repêchage, là. Je vais être à ma mère à une plage. Puis peut-être à l'auditorium, prendre un selfie. Un selfie. Je vais aller porter à la coupe. Et ouais, si. Fait que première position, Max Gagné. Deuxième position, Mathieu Gélinas. Troisième position, Éric Dandurand. Quatrième position, notre collègue Seb Brutal. Et cinquième position, Simon-Pierre Fournier. Nous autres, égalité en huitième, Alex et Mart. Moi, je suis 15. Dave est 15e. Et moi et Mallette, on est 16e. Et mon frère n'a pas participé au pool des playoffs. Et le dernier, numéro 21, JB Gagné. C'est vrai, lui, ton frère, lui. On te salue. Ton frère, le temps, l'été, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il est bien trop occupé à être en congé. Fait que, les gars, Dave et Mart, vous n'étiez pas là pour le post-mortem sur les playoffs. Non, on a manqué quelque chose. Le post-mortem. Ben, on a pas mal tout couvert. Je sais pas si vous avez vu un dernier commentaire, vous autres, sur la série Canadien Rangers. De la mort. Personne s'est levé, personne n'a rien fait. Tout le monde a cœur. Non, mais c'est pas vrai. Blâmez-vous Price, vous autres. Byron a bien joué, Gallagher a bien joué. Non, mais le corps n'a pas eu de cœur. Mais tu sais, t'as eu des gars qui ont steppé up, mais. Total, c'était les gars, t'as vidé. Mais Pacioretty, ça a fait fuck all. Galchenyuk, c'est vrai, quand tu regardes les équipes qu'il y a présentement, je veux même pas entendre ceux qui sont vidés. Tu sais, les équipes qu'il y a présentement, il y en a des vidés, comme les Pens puis les Sands. Ils sont vidés, mais ça se donne pareil. C'est ça. Ils sont quand même. En finale de conférence. Moi, je me demande sérieusement, c'est quoi le style bug? Là, parce que le pire, c'est qu'il y avait une bonne chimie au début de la saison. Souban, le bug, voyons donc. C'est le centre, la ligne. Non, mais c'est vraiment le centre. C'est ça. On n'a pas de centre. Ben, c'est ça. On n'a pas de centre. Puis là, on se rend compte qu'on a un club qu'on essaie de... De patcher. De c'est quoi qu'on fait, là? C'est patché depuis 20 ans. Puis aller chercher, remplir des trous. On est comme, style, une job de pavage à Montréal. C'est ça qu'on va parler, là. On met des... On met des patchs, man. Ben, c'est ça, on va en parler, Chan. On va parler aujourd'hui de ce qui. Ben, en fait, là. Ok, mais toi, tu voulais nos commentaires sur la série qu'on a Sur la série, puis après ça, on va y aller plus en détail. Ah, c'était vraiment. Qu'est-ce que c'était décevant, Ben? Ouais, c'était décevant. Moi, j'avais même pas de peine. Sérieusement, quand ils se sont fait éliminer, là, j'ai Moi, j'avais été cocky, genre, en disant que, tu sais, on va les sortir facile. Ouais, moi, tout. Ben, j'y croyais plus ou moins. Moi, je m'étais dit, genre, ah, je vais y aller cocky, on va y sortir facile. Dans ma tête, c'était plus comme, on va y sortir. Mais moi, de voir comment ils ont perdu le match. De voir comment ils ont perdu le match 5. T'avais dit en 5, toi? Moi, j'avais dit en 5 aussi. Moi, tout, j'avais dit en 5. Je me suis fou. Ben mais je savais que c'était un call audacieux. Là, mais ah, ben oui. Moi, c'était un call cocky. Mais là, j'avais le goût, j'avais le goût d'être confiant de même, par exemple. T'sais. Mais à la fin, moi, j'ai avant moi, voyage, je m'en attendais, ça aurait fait de la peine. Mais après la première game, déjà, j'ai commencé à. Oh shit. Ok, ça ira pas bien. Ça va pas comme je pensais. Pourtant, man, Longvis, il a été chanceux. Tu check. Il échappait son bail. On l'a jamais testé. On était pas en avant du net. C'est ça, on l'a jamais mis. On n'a pas payé le prix, man. C'est vraiment pas. On n'a pas payé le prix. Non. Nous n'avons pas payé le prix. Il y a eu. Non. Il n'y avait pas d'émotion. Non, de voir comment ils ont perdu la cinquième game, je dois dire. Les seuls joueurs qui ont été émotifs, c'est ceux qu'on a donné tantôt. Là, une couple de joueurs. Là, ah, mais c'est ça des joueurs de troisième trio, là, dans le fond. Là, logiquement, réalité, ouais, c'est ça. Puis notre D n'est pas assez mobile, là, on l'a vu. Notre D a soqué. On manque de D. Ah, nos D sont gros, mais bon, ça patine. On s'est gros aussi. On s'est gros aussi. On s'est gros aussi, mais on ne patine pas. On ne passe pas à pas. C'est vrai. On s'est gros aussi. Là, tu vois, on vient. On est où? Sans fort! Ben, j'ai bien aimé Hot pareil. Là, ouais, Hot, il y a des gars. Ces gars-là, ils ont été clairs. Ils ont fait leur job. Hot qui joue les gars, les playoffs. Les playoffs m'ont diverti. Mais j'ai pas. Ah, pas moi. J'ai pas eu le temps d'embarquer. Pas diverti. Non, regarde ça. J'ai pas embarqué. Puis, ils m'ont plus mis en tabarnak que diverti. Ah, parce que ça m'a comme choqué. J'écoute 80, genre, 82 games par année. C'est ça qu'on attend. T'sais, les 82 games, c'est le fun. Là. Mais le hockey, si c'est pendant les playoffs, c'est là, tu fais sortir. Ça va te chercher genre, toute l'année. La place que je nous aurais vue, admettons, c'est genre la place que les Sénateurs ont en ce moment. Ouais. On aurait pu, là, cette année. Se faire éliminer en deuxième ronde. Ça aurait été aussi choquant. Deux rondes. Ça aurait été très choquant. Il y avait tellement pas d'efforts. En première ronde. C'était un peu éliminé, Esti. Ça m'a pas fait de peine. Pas capable de scorer. Sixième game, j'ai un fuck that. Dans votre face, Esti, puis allumé. Pas capable de scorer, pas le deuxième effort. C'est parce qu'à un moment donné, ça revient dans la face des propriétaires. Genre, ça, c'est un reality check, là. Non, mais du directeur. Ouais. Ça commence par là. Non, mais ton plan de reconstruction, là. Ben, ça remonte en haut. Ça remonte partout. Ah, mais il n'y en a pas de plan. Mais ça remonte au propriétaire parce que lui, c'est son. En trader, souvent, il espérait que ça paye cette année. Ouais, mais ok, attendez, parce que là, on va Dans le fond, le pacing, chose, c'est qu'on va donner nos plus et nos moins de la saison en première période. Après ça, en deuxième, on a des extraits de Bergevin et de Claude Julien. Ok. On a commencé la première période, là. Non. Puis en troisième, on va parler c'est quoi les travaux de Bergevin pendant l'été. Donc, on y va y aller direct là. Vous autres, vos plus et vos moins. On commence avec les plus de la saison, en fait. Là. Ben moi, je vais commencer. J'étais pas là la dernière fois, tu sais. Vas-y. Moi, mon plus de la saison, ben, tu sais, il est facile, là. Ouais. J'y vais avec Radu. Je vais pas avec Radu. Moi, je vais avec Paul. Moi, j'avais comme trois choix qui me viendraient à l'idée. Ça serait genre Byron, Dano, puis Radu. Ouais. Ça aurait été comme mes trois genres plus possibles. Mais je vais le donner à Radu parce que, man, il a amené une énergie, ce gars-là, mon gars. Là. Ouais. Il a amené quelque chose dans l'équipe qui manquait. Ouais, c'est ça qui a comme toi, quand tu tapes ça, tape en donnant tes points. C'est ça qui a créé. Que je clique, c'est mauvaise cam. C'est ça qui a créé le noyau. C'est ça dans les podcasts. Ah, les gars. Lou. Qui c'est ça qui faisait ça? J'ai vu Teddy, je suis à sa place. Il est comme ça. Ah, mais c'était off mic, ça. C'est pas que la table se déplace de comme de causer de même. Il a pousse. Ça, c'est à cause de ton asti de bras qui est trop haut, la table. Tu m'adonneras la prochaine fois la chaise du capitaine. Je m'avance, c'est que je me recule. Je m'avance la caméra parce qu'il regarde la caméra. Regarde la caméra. Fait que bon. Donc, Alex, ça t'a donné à 10 points. Ouais, moi, c'est pas Byron. Écoute, quoi, 21 buts? Oui, que. Ouais. Il a passé le 20, c'est sûr. C'est good. Oh, il a passé, ben, il a passé le 20. Pas 22 buts, 44 points. Ça, il est genre 3e. Un gars qui a été soumis au balatage. 43 points, 4e meilleur pointeur de l'équipe. Ouais, là, pour les fois qu'on va blâmer Montréal de laisser tant des joueurs. Puis Dano, 24 points. Ben pas 13 buts, 27 passes, 40 points. Ben, Dano, 5e meilleur pointeur de l'équipe. T'sais. C'est genre Dano, Byron, Galchenyuk, Radulov, puis Pacioretty. Mark, ton plus là-dedans? De la saison. T'as peu. Non, mon plus, c'est j'ai vraiment envie de le donner. OK, je vais donner mon... Moi aussi, je vais donner mon plus à Radu, là, pour vrai, là, parce que ça, c'était un gamble. On savait pas ça allait être quoi. On savait pas. On n'avait aucune idée, là, dans le fond. Un gars qui venait de la KHL depuis tant de temps, qui revient dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, qu'il se dit, genre, lui, prêt. Puis tout le monde disait, ouais, vous allez voir, vous allez triper, puis il est prêt. Puis finalement, il veut, avait raison. Il veut ça. Ouais, c'était un, le gamble a été payant. Tous ces points-là ont été, genre, validés. Ah, c'était spectaculaire. Mais il gagnait tant à part. Ce gars-là, il a une belle énergie. Quand il regarde la foule, même, il met, il amène quelque chose. Dans une game, quand ça va pas bien pour lui, il abandonne vite. Ouais, ouais. Après mais c'est ça. Il... Mais ça, ouais, ça, mais il ça, ouais, ça, mais il y a pas un joueur parfait. Là. Mais en, ouais, mais en série, en série, il a été là quand il fallait. Un vrai leader, quand ça va pas bien, il va se lever, il va travailler encore plus. Mais c'est le gars. Moi, je te dis, là, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, je pense, un Russe cheerer comme ça pour l'équipe. Ça, j'ai rarement vu ça. Cheerer comme ça pour l'équipe. Puis j'ai jamais vu ça. Puis genre, en série, il a pas choqué. Malkin en série. Il choke. Ovechkin en série, il choke. Mais Malkin, c'est meilleur. Ah, excuse, Radulov, là. Radulov. Il est pas là dans des. Il a bien été. Ouais, mais OK. Mais il est quand même, là, est quand même pas là. Son, dans bien des games, tu le regardes, puis il est comme. Ah, ouais, il, dans il la dernière, fait rien, là. Okay, mais ah, il y a une couple de games cette année, mais c'est parce qu'il il fait des séquences. Ouais. Mais il est, j'avoue que cette année, il est pas si pire. Mais Radulov, tu vois. Mais Radulov, il a été trippé. Ah non, je sais, mais à la fin de la tâche, il a été déformé, tu l'as vu. Quand tu vois qu'il devient frustré, il commence à mal jouer. Ouais, mais il avait l'air de triper à jouer ça, par exemple, parce qu'il y avait du fun à Chris. Ouais, ça paraît. Le gars, il trippe à jouer du hockey, puis il a l'air passionné par ça, man, puis il est bon. Ah, ça nous allume, moi, tout en tant que fan. Mais oui, ouais, si, t'attends quoi, tu dis, il peut faire la différence, ce gars-là, mais encore, mais je donnerais mon... J'ai un autre plus, comme en sous-carte, là, genre. Ouais, ouais. C'est Lekkonen, finalement, parce que moi, je m'étais trompé parce que j'avais comme aucune attente de ce gars-là. Puis bon finalement, ouais, moi, je m'étais dit, Lekkonen, ça va être un genre de C-catch. Moi, au début de la saison, je dis, non, ce gars-là, moi, je le connaissais pas. Je parlais un peu à travers mon chapeau, mais par expérience de ce qu'on avait vu avant des joueurs qu'on importait de la Ligue européenne, blablabla, la Liga. Puis, mais Lekkonen, ben, plus ça allait. Plus ça... Mais moi, au début, j'étais genre, regarde, il est ce que je pensais. Je pensais, il était ce que je pensais. À la fin de la saison, là, il a vraiment comme commencé à déclencher, puis en série, comme il un était jeune, bon. Au début de l'année, il était bon. Ben, Lekkonen, on le voyait au début, mais au début, il rentrait pas en devenu... puck dedans, man. Ah, mais ça, ben, il a pris du temps au début. Il avait de la misère à scorer. Au début, ça, il a pris du temps avant de scorer son premier but. Ouais, mais il avait eu plein de chances de marquer. Ben après ça, oui. Mais après ça, il en a compté une couple. Ouais. Après ça, après il a arrêté. Il a à la fin de la saison, il a remonté, Il a manqué beaucoup d'opportunités, puis là, c'est là que je me disais comme, ah, man. C'est un spécialiste du wraparound. Ce gars-là, il est pas fait pour scorer. Il score souvent un wraparound, ce gars-là. Ouais, c'est parce qu'il est bright, il sait se placer le calice, man. Il y en a au moins compté deux pendant la série en wraparound, pour au moins comme 4 ou 5 pendant l'année. Non, c'est beaucoup pour un gars. C'est notre plus belle acquisition, je pense, qu'on a faite. Ouais, c'est une bonne acquisition, ça. Dano. Tu peux donner un peu sa pride aussi, je pense. Ouais, mais Dano, finalement, tu te rends compte qu'il est pas dans... Il y a beaucoup de responsabilités, puis c'est trop pour qu'est-ce qu'il avait donné à faire. Ouais, c'est un bon centre. Mais c'est pas un centre de premier. Un centre de 3, comme c'est ça l'affaire. Pour remplacer Plekanec, c'est excellent. Ouais, mais il a commencé... C'est ça, le problème, c'est que là, présentement, il est utilisé comme centre premier. Ouais, mais faut pas t'oublier que ce gars-là, il est arrivé sur la 4. Ça a plus d'espoir, là. Mais il a réussi à monter. Il a réussi à monter. Il peut remplacer. Ça donne un signe. Ça donne le signe qu'on n'a pas de centre. Exact, man. C'est ça. Parce que Chris, il a réussi à se monter premier trio quand c'est un gars réalité peut-être de troisième. Exact. Ou un correct pour deuxième. Un bon deux, là, que tu fais comme, c'est cool. Il peut te dépanner ça à deux, mais c'est un bon trois, là. Toi, GF, qui t'en plus? Ben, c'était Lekkonen, mais je peux donner à Price, non? Je peux donner à Dano aussi, quoi. Price, c'est tout le temps comme un choix. Il y en a une couple qu'on peut donner des plus qu'on n'a pas nommé. Ben, t'sais, Weber pour avoir un plus aussi, mais c'est parce que... Il a joué normal, on s'attend à ça. Il a joué ce qu'on voulait de Weber. It's not above and beyond, c'est sa game. C'est sa game. C'est ce qu'on s'attend. C'est sa game, puis un peu comme... T'as fait ta job. On a parlé d'Ovechkin tantôt, puis j'ai l'impression que c'est sa game, mais sa game qui commence déjà... Il n'a pas baissé, c'était là, ils étaient blessés longtemps, par exemple. Ouais, c'est vrai, mais... Il est sur le step qui va commencer à baisser pas l'année prochaine. Ça va commencer à dropper. De saison à saison, ça va se mettre à dropper. Pas l'année prochaine. T'as fatigué le gars, là. À la fin, non. Ouais, non, à la fin, les playoffs, c'est son style de jeu, man. C'est un gars quand même. Il est très solide. Je le dis pas, là. Ça m'adore. Je le verrais pas faire. Il peut pas skater. Il peut. Il va se faire ça longtemps. À shape qu'il a, genre, au size qu'il a, il peut pas jouer cette game-là. non-stop de Markov, même Markov, il y a genre quoi, il reste au moins 5 ans. 8, Markov? Non, je sais, mais ça prend un autre, ça prend un autre dev. Puis... ça prend un autre superstar. Ça prend quelqu'un qui bouge. Mais il est petit. Ça prend un autre superstar. Il est pas aussi costaud. Là, ah, mais ça prend un défenseur qui s'est bougé à la porte. Markov? Ouais. Ben, Markov, enlève-le de l'équation. Là, c'est rayé. Là. Markov, il va être encore moins l'année prochaine. Il se donne, c'est ça. Hey, tu peux pas débarrasser Markov présentement. Non, non. Faut que tu le gardes. Tu peux pas te débarrasser. Tu vas lui donner un contrat de. Ah, ouais, mais Alex, tu peux pas t'attendre à avoir grand chose on de lui. On disait ça l'année passée. On a dit la même affaire. Genre, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on dit ça. Ouais, il y a combien de points à chaque année? Non, Markov. Markov, là, la corde est finie. Non, on a dit ça l'année passée, puis l'autre année d'avant. Oui. Non, je ne sais pas. Il peut plus être joué sa première paire. Il a 36 points, man. Faut que je joue sa deuxième paire. Plus là. Moins combien? Faut que tu y enlèves des minutes en tabarnak. 36 plus 18. Ouais, mais enlève-y des minutes. Il en a enlevé cette année déjà. Ouais, je sais, mais c'est parce qu'il en a enlevé, mais au détriment de faire Chris, j'ai pas le choix, je peux pas le mettre. Mais trop on n'a pas le choix l'année prochaine. Parce qu'un état de Beaulieu, il back pas. Et voilà, donc la raison pourquoi t'as encore besoin de Markov. Ouais, on a besoin, mais tu peux pas t'attendre de lui d'avoir grand chose, pour vrai. Moi, je pense qu'il va... Un bon 30 points, puis fais ta job, passe la puck en avant, fais une transition rapide, c'est ça le matin. C'est un bon défenseur. Deuxième paire. Je veux pas que tu fasses des buts si je veux que tu fasses la défense. Ah non, je le signerai encore Markov, moi. Un an ou deux. Maximum, je te dis, excuse. Deuxième paire, Max. Ce sera pas sa troisième, là. C'est Markov. C'est général. Là, il va commencer à te fonder, il a plein d'estidaires. Ouais, on va dire ça, il passe la prochaine. Moi, ça fait deux ans qu'il dit, il va avoir raison. Il va dire à chaque année. Je vous l'avais dit. Je l'ai dit. Depuis 2017, on est en 2022. Non, mais ça dépend. Mais Alex. Eh oui, tu hey, Alex, tout dépendamment de ce qu'il demande comme salaire. S'il demande 5 millions, Chris, tu ne donnes pas 5 5? Millions. Ben 5, tu lui donnes. Ben oui, 5, tu lui donnes. Il vaut 5, même. 5 pour un an, ouais. Il vaut 5, même. J'en aurais 4. Il vaut 5. Il vaut 5, 5. Tu gardes au même salaire. C'est trop cher. Non, on peut pas se permettre. Il est stable, il compte les mêmes points. Avec MLN qui coûte le plus cher. Ben, MLN va être parti, man. Ben, on doit voir. C'est pas sûr, moi. Ben, tu peux. Approprie-moi-les tant que tu veux, je m'en calisse. Lui est parti, bye-bye. On parle d'argent, là. Ben, Marco va coûter le même prix que l'année passée. Ça va être un an ou deux, puis ça va être sûrement 2 ans. Attends-toi 2 ans, man. Ben, je l'aime, Markov, là. Je suis pas sûr pour le flusher, là, mais... Fait que pas raciste, raciste, mais... Toi, tu veux le flusher comme pas raciste, mais les Russes, toi, tu veux le flusher comme moi, là, du Christ de Borch, je suis pas capable, tu sais. Mais là, allons, justement, à des gens qu'on aime, à ceux qu'on aime moins, puis on va aller faire les moins, justement. Fait que... Markov! Oh! Là, tabarnak! Les moins, et tabarnak! Ouais, vas-y, là, vas-y, défoule-toi. Ouais, vas-y. Là, faut se rappeler qu'on a eu quand même une popée saison, mais... Sauf-toi dans les mains, on a les playoffs. Lequel? Lequel des deux? Là, mon. Hey, Dave, Lequel des deux? Hey, Dave, là, c'est pas compliqué. Il y a pas juste deux joueurs, man. Il y en a plus que deux. Hey, les moins, là, c'est comme la barre à pain au Pacini. Tu sais pas lequel choisir. Ah, mais moi, ça dépend. Sésame. Sésame avec un peu de beurre. Avec beurre à l'ail et l'autre, basilic. Tu vas mettre un beurre à l'ail. C'est bon, basilic et ta mère. Après, moi, tout, je prends ça des fois. Je vais jamais au Pacini, moi. Moi non plus. Ça fait tellement longtemps que je peux aller là, man. Hey, un gars à ma job, il dit le Pacini. Je sais pas quoi c'est dire. Pas que quand que, ben oui, ouais, mais j'ai dit qu'aujourd'hui j'avais été. Puis c'est pas vrai. J'ai dit, ouais, ben oui, c'est ça. Puis je suis allé au Pacini. Tu as dit ça? Ben ouais. Je suis sûr qu'il sait que tu niaisais, man. Ben, je sais pas. J'avais l'air bien sérieux quand j'ai dit ça. Ok. Au moins, Dave, c'est qui? Ouais, ouais. C'est pas le Pacini, là. Puis. Hashtag je le donne au Pacini. Pacini, moi, le sac. Je le donne. Je vais le donner à Beaulieu. Ah! Yeah. Ouais, non! Quoi, Beaulieu, une assez bonne saison? Ça, un des deux! Attends, je suis pas capable. Tu réponds pas aux gens qui. C'est quoi ces stats à Beaulieu, justement? Là, les avais-tu ces stats? Parce qu'il y a du monde qui vont dire qu'il y a des bonnes stats cette année et qu'il y a bien joué. Il y a un bon. Non, il y a personne qui peut frontage avec Beaulieu. Là. Beaulieu, il y a quand même 28 points. Ouais, mais ceux qui. Il y a autant de points que Petrie. Ceux qui disent qu'ils se basent ces stats ont clairement pas regardé la game à Beaulieu cette année. Puis il est plus 8. Ouais, même à ça! Quand t'arrives avec Weber. Non, mais t'as peu. Je veux dire une affaire, ouais, là. Quand ça, t'arrives à ta dernière game de playoff, pis tu te fais scratch. Beaulieu, genre, il hail, tu scratch. Ça, t'as beau avoir 30 points, là. ça dit long, hein. C'est comme scratcher Fleury après. C'est comme, tu sais, genre. 3, 4 t'as 30 points, ouais, mais t'es pas responsable défensivement. Non, mais nonchalant. Pis il est quoi? Mais il est plus 8. Fait qu'il est pas dans le moins. Mais il est nonchalant. Ouais, mais il a joué avec. Mais il a joué avec Weber beaucoup pendant le début de la saison, je pense. Yep. Fait que ça aide, ça aide pas. Non, mais ouais, en tout cas, ouais, anyway, j'ai pas y casser du sucre sur le dos, là, mais on s'entend que. Casser une bière à la place. Je vais casser une caisse. Une canne à sucre sur le dos. Une canne. Ouais, Marjiki. Chris me demande tellement ça. Froid. Le mal, c'est qui? Comme blanc, c'est tellement blasé. Juste qu'il commence à parler femme ta gueule. Genre Chris Carnell, mais on l'aurait pas demandé aussi blasé. Oh. Ok. Oh my god. Mark fait des malaises. J'ai pas entendu. C'est un Suisse. Peux-tu le répéter? C'est un Suisse. Ok, je le donne à qui? Je le donne à. Le nez dans l'enfer du mal. On a besoin d'inviter cet homme-là ici. Ah oui, respect. Ouais, c'est beau, c'est pas, c'était pas beau. Perron. Là. Mais ton moins. Ah, je sais pas. Okay. Sérieusement, c'était tellement soqué. Là, je... ah, saison, pas ici. Saison, elle a pas soqué. Je sais pas pourquoi là, que j'ai envie de le donner à Patio. C'est bonne raison. Ça me démange en dedans. Là, on dirait d'y donner. Donne-y. Je sais pas, juste par à cause des séries de marbre. J'ai juste non, comme... pas juste pour ça. Parce qu'il n'y a pas scoré de l'année quasiment. Puis que c'est Radu qui l'a relancé. Non, mais non. Il a scoré contre des clubs mauvais. Il est excellent scoreur dans la ligue. Il est genre 15e, je pense. Non, mais je sais, mais man, il, pas oh, mais il a scoré contre toutes les non, teams. Non, non, pas a... bon. Oh, ouais. Tu peux quand même. Sérieusement, il s'est pas levé quand c'était le temps. Patio, c'est pas lui qui travaille le plus non, fort. Non, il y a une calisse de saison de mon gars. Là. Non, non, il mais. Il a été slow à starter, puis quand il a été starté, il y a eu des up and down. Ouais, mais lui, comme c'est ça, il embarque par séquence. C'est ça, mais des séquences. Mais si, je sais pas pourquoi. Les joueurs, c'est ça en général. Chris, on dirait que ça ne tente pas. Puis je veux pas m'acharner sur lui, mais instinctivement, tu me demandes mon moins, puis Chris, j'ai envie de te donner à lui. Donne-y. Ben, j'y donne. C'est pas un mauvais choix. Bon, c'est pour ça que je disais qu'il n'y en avait pas juste deux. Non, mais ça je veux pas. Partie d'un autre. Moi, non, tout, j'aurais pu donner à Patcho. Je veux pas être mal placé, genre, à y donnant parce que je sais que c'est pas le capitaine. Être mal placé, c'est ton non, mais on choix. Dirait que. Si dirait, j'aurais pu le donner. Spécialement parce que c'est quoi? On dirait là, qu'avec les capitaines, il faut que tu sois, genre, politically correct, genre. Faut que tu sois absolument comme. Ah, oh, faut le respecter, c'est le capitaine, il fait un job ouais, tough, il se force. C'est pas à Montréal. Moi, sérieusement, je suis pas satisfait. Pas à Montréal. À Montréal, on se laisse aller sur le capitaine. Moi, non, mais non, non, c'est chiant. Non, non. Il y a comme une. Pas les journalistes. Il y a comme une autres, chasse ouais. gardée sur le capitaine, que ce soit pas. Mais l'année passée, tout le monde voulait lui dire que c'était le pire capitaine au monde. Là. Arrêtez-moi ça. Là. On l'a bâché en estime. Man. Ouais, mais c'est comme pas permis de le bâcher. Mais on l'a bâché à Montréal. On a bâché le capitaine ça, en crise. Bâché Patio, genre, c'est comme. On a bâché Koivu, man. On l'a bâché. Ouais. Dans la fosse avant qu'il parte. On est des bâcheux. Enfin, on disait qu'il était de la merde. Changez-moi ça. On est des bâcheux. Ben, ouais, ouais. Non, mais attends, okay, ben, sérieusement, j'ai envie de pas bâcher sur j'suis lui. Je suis pas satisfait, moi non plus. Je donne à lui, je donne mon point. Patio a été pourri. Il a été pourri quand il fallait que ça compte. Moi, même si c'est pas de sa faute à 100%, je le donne à Galchenyuk. Oh, yeah. Ah, ok, bon. Ouais, Galchenyuk aurait pu l'avoir et tout. C'est un autre moins que je suis mais d'accord. Mais en même temps, je blâme un peu le Canadien qui met dans une chaise, dans une autre, puis il ne donne pas de CD. Ouais, non, mais il y a un mix de tout là-dedans, ouais. C'est ça. Il y a un mix mais de tout. Mais je donne pour le. Il n'y a pas non, de caractère. Il y a un mix organisationnel, puis il y a des joueurs, ouais. Il y a des scoreurs qui n'ont pas de caractère. Faut que t'aies dans un caractère. Bon, faut que tu les mettes dans un bon mood, puis dans le bon. Il y a besoin de maman, de papa, pour faire toutes ces décisions. Ouais, puis... mais ce gars-là. C'est ceux qui appellent leur mère le dimanche, là, ça non, joue pas dans l'équipe de hockey dans le maillot son père. Mais ses parents sont vraiment, man. C'est son père. Puis ils sont mais pas durs à avec. Check bien ça. Tout le monde là, que leur père gère leur carrière, c'est tout le temps de l'hostie de merde. Mm. Puis tu mets ça dans n'importe quel sport. Aussitôt là, que c'est quelqu'un, c'est pas un entraîneur privé qui est hors de la personne qui gère sa carrière. Non, c'est pas un agent. Quand tu as un lien affectif avec un parent, genre tu subis une torture mentale. Il paraît, c'est qui l'avait vu? Je pense que c'est Mario Tremblay qui avait rapporté ça, que son père un soir man, l'engueulait man, dans le garage du Centre Bell. Comme c'est un possible, débile, man. Il criait après, man, devant tout le monde. Comme un fou. Là. Ah, mais c'est ça. Après qui? Après son père, Chucky. Dans le garage, ah ouais? Centre Bell. C'est bon. Il engueulait ouais, son ça, fils. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est super que son père. Puis tout le monde est dit, il faudrait que. Tu sais, l'entourage, quand il parle, il n'y a pas un bon entourage. C'est de son père. C'est sa famille, ouais. C'est exact. Sa famille. Indirectement, mais son père, c'est lui qui gère sa carrière. C'est pas des mauvais amis, ça accorde ou quoi que ce soit. C'est eux autres qui font péter des c'est parce coches. Que son père, il se prend comme pour son agent. Genre, ouais. Tu feras pas ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça, c'est pareil. En tout cas, je veux pas défier. C'est défi, le cas combien, mais combien je veux de dire, temps dans n'importe quel sport. Avec ça dans une équipe de hockey, tu sais. À un moment donné, il faut que ça arrête, là. Ben, le jeune, plan, le jeune, il va grandir. Ouais, mais c'est du tout. Ouais, mais il n'y a rien à faire tant que lui, il flush pas. On est patient combien de temps, Montréal? Soyez patient avec. Il prend pas. Tu sais, je veux dire, tu mets au centre 3 ans. Moi, je suis patient. Moi, je suis pas prêt à changer. Si, je comprends tout. Il va aller éclore ailleurs si tu l'échanges. C'est ça qui non, va c'est pas cher comme avec Patcher Ready. Sinon, ouais, tu peux faire ça. Pacioretty, c'est de même gagner qu'on l'a eu. Salaire, on disait ça à Pacioretty et tout, qui était pas, tu sais, qui avait un problème d'attitude. Tout, parce c'était, il avait refusé de venir à Montréal. Mais c'était vrai, il était retourné, il avait dit je vais retourner, genre. Ouais. Rappelez-moi, mec, je joue à temps plein. Ah ouais. Puis il avait le problème d'attitude, puis tout, puis gars, on l'a signé, puis il a pris, il bit the bullet, là, tu sais, il a pris, c'est quoi, 5, 4 ans, 6 millions? Ah, il a pris, il a vraiment. Il est vraiment 6 ans, 4 millions. C'est quoi? Un de nos meilleurs deals. Ça, c'est signé 6 ans, 4 millions par année. Je me souviens pas du deal, c'est quoi? Ah, c'est 6-4 ou 4-6. C'était vraiment 6, bon. 4, anyway, Pacho, il avait fait un gamble en faisant ce call-là à l'époque. Ouais. Il avait dit, moi, je retourne pas à Hamilton si vous me faites pas jouer. Non. Ouais, non, je m'en vais à Hamilton si vous me faites pas jouer régulièrement ici. Moi, je vais aller jouer à Hamilton aussi, je vais jouer tous les matchs. Puis rappelez-moi, quand que je vous vais allez me faire prêt, jouer à 100%. Il dit, ouais, fais-moi pas là, mettre d'un gradin et tout ça. Il dit, moi, je m'en vais jouer au Hamilton. Puis il a quitté l'équipe. Puis on dit, c'est bon, retourner à Hamilton. Mais son mojo, il l'a-tu laissé à Hamilton? Ben, peut-être un peu. Genre dans un motel room, genre, je sais pas quoi. ou, avec sa gonorrhée. Après ça, il a été obligé de signer un contrat. Tu sais, je sais, ça, c'est un call de 2 millions par année. Puis après ça, il a fait son 4 ans. Hey, attends millions, un peu, si on va aller dans la théorie du complot, là, c'est-tu genre le Pacioretty post-Chara? Genre le Pacioretty après Chara, genre là, l'aftermath, genre là, tu sais, c'est comme c'est ça qui reste. What de... the fuck you talk about? Non, c'est pas ça. Tu penses-tu? Non. Ce gars-là, genre, as-tu downgradé, genre, depuis qu'il s'est fait geler par Chara? Non. Ben, il est plus furieux d'un coin. Parce que dans le temps, il s'est dit, moi, Steve, fuck off. Tu sais, il faut du guts quand tu dis ça à ton club, à ton organisation devant les médias de Montréal. Ah, peut-être ça l'a changé. Tu dis que la blessure l'a changé. Oui, ça l'a dit ramollé. Peut-être. Il est brisé. Moi, je pense que Chris a laissé. Ça fait peur, il a plus. Ben oui, mais lui, il est conscient de ça. Lui, encore plus que toi. Puis moi, il essaie de jaser de lui, Calis. Fait que, tu sais, lui, il embarque sur une glace à tous les soirs. Il n'y a pas plus que nous autres. Il pousse des chars l'hiver. T'en as poussé combien de chars, toi, cet hiver? Je sais pas de ça. Chris, je pas, il y a mal au bras. Monsieur, si je fais juste changer des litières de chat chez nous. Quoi, tu parles? J'ai jamais dit on pousse, il pousse des chars l'hiver. Ben, attends, Chris, les enfants, j'ai dit... J'essaye de le défendre un peu et tout, là. Je suis vraiment possible, c'est Chris. Rouge, ça. J'ai chaud, puis ah, ouvre le châssis. Avez-vous donné vos moins? Oui, mon moins. Ça fait une demi-heure qu'on jase de mon moins. Je sais pas si c'est Alex qui avait donné. J'ai dit Gatching Hack. Hey, Gatching. Non, moi j'ai pas dit. C'est quoi toi? Jeff Petrie. Moi tout, je l'ai ce style. Je l'ai chié. Je pense que c'était mon peu, ça n'est passé. Place-toi, Calis. Mon cher monsieur, la monsieur la face de graine. Non, mais il est arrivé. Ouais, il y a une petite face de merde. Il y a un bon début de saison. Lui, là, il y a vraiment la face d'un gars qui fait une poutine au Pécos. Il a chié. Après, je sais pas, là. J'ai peur à son contrat qu'on a eu. Regarde, il y a le même nombre de points. Non, il est correct. Ah, mais. Moi, il est moins bien que Beaulieu. Mais il est facilement, il y a le même nombre de points. J'ai pas aimé sa. Ça se peut être pas, mais. En fait, j'ai pas aimé sa fin de saison. La différence, c'est genre Petrie, je fais garder ma fille, genre, puis Beaulieu, je confie pas. Effectivement. Fait que Petrie, il y a déjà ça. Beaulieu, il est plus 3. Beaulieu, il est plus 8. Ouais, il a le même nombre de points. Il n'y a pas, ouais, pas eu le même def. Ouais. Petrie se ramasse tout le temps avec la crap. Ouais, mais Beaulieu, il se bat avec Emeline. C'est supposé être le gars fiable. Ça avance avec Emeline. C'est supposé être le gars responsable. Puis finalement, ils disent ah, va jouer avec Petrie. Fuck. Il se font shifter à tous les shots, pareil. Il y a moins de nous, mais Petrie, tout le temps. Hey, un autre moins, est-ce que j'en ai un autre? Ouais, vas-y, par exemple. Nestero. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Je pense qu'il est mauvais. Ah ouais, mais là. David Sid, t'es meilleur. Sérieusement, c'est un moins là, tu le donnes à Bergevin. On s'est débarrassé de Barberio pour ramasser Nesterov. Non. Oui. Ben oui, on a envoyé Barberio au balotage. On l'a mis au balotage. On l'a pris d'un trade. On l'a pris d'un trade contre Nesterov, on l'a eu d'un trade. Avec Tampa. Un gars là, de fucking la Ligue. Un minor league. Un gars qu'on se calisse. Là, ouais, c'est ça. Un gars dont on se calisse. Voilà. C'est chien, c'est ça. Non. Mais c'est vrai, pareil. C'est un humain. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est un humain qu'on se calisse. Voilà, fait qu'on va aller faire. On se calisse probablement nous autres aussi. Ouais, sûrement. On va aller faire. Sûrement qu'il nous trouverait pathétique. On va aller faire. Genre, un tirer fil. Il a de la Stella Artois. Tout le monde est d'accord pour une petite piste. On va faire une petite piste, ça, on vous revient. En deuxième période pour la deuxième partie de la conférence de Terrien. Pas Terrien, de Bergevin et de Julien. Je vis dans le passé, Stop living the past, man. Pause. On est retour pour la deuxième période. Yeah. l'air d'un rot. Ouais, ça me dit ça a l'air d'un rot, mais ça l'était pas. Fait qu'on est maintenant rendu dans la période des audios. L'extra audio, puis on a des restants, des leftovers là, de la conférence de Claude Julien et de Marc Bergevin. On vous avait pas tout partagé ça la dernière fois. Non, mais on voulait revenir sur certains points. Là, donc, dit d'amener des chips barbecue. J'avais gardé les extraits sur Galchenyuk, justement, vu que Mart était ici aujourd'hui pour cette période-ci. J'ai envie de mettre ça sur le dos, là, un peu pour rien. Là. Just thanks, man. Fait que, on a, dans le fond, le part 2 et part 3 des commentaires de Bergevin sur Galchenyuk. Fait qu'on écoute ça, première partie des commentaires. C'est une bonne question. Puis la chose que tu dis, c'est ça qu'on a parlé avec lui ce matin. Tu sais, c'est vrai qu'on est patient avec nos jeunes, puis c'est important d'être patient. Puis c'est important aussi de réaliser la personne. Tu sais, si tu dis un exemple, un alcoolique, tu as un problème de boisson, la journée qui réalise pas ça, ou la personne qui veut arrêter de fumer, qui pense pas que c'est un gros fumeur, tu peux pas t'améliorer, tu peux pas arrêter. Alors Alex, ce matin, on a une bonne conversation, puis il est conscient des déficiences dans son jeu, puis il est prêt à travailler. Puis je pense qu'il a travaillé, mais cette année, ça l'a vraiment ouvert les yeux, puis comme je te dis, c'était une bonne conversation positive avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme un alcoolique. Sérieusement, là, quelle bourde de Bergevin, là, sur le plan, genre, là, de médiatique, là. Parce que TVA, là, dans leur nouvelle, eux autres, c'était comme, ils ont fait les références avec alcoolique. Quand t'entends la conférence de Bergevin, j'ai checké, là, le TVA, comment ils ont sorti leur nouvelle, genre, de la conférence. Puis c'est comme, alors, Alex Galchenyuk parlait de telle affaire, blablabla, puis ils ont passé l'extrait de Bergevin, il dit, c'est comme quand tu demandes à un alcoolique, ça commence là. T'sais, ils ont choppé. Ouais, il a donné la pire calice d'analogie possible. Il y a tellement de monde qui en parle, c'est sûr que c'est vrai. Qu'on parle du party de lui et tout ça. Sacrement, Bergevin. Il y a tellement de rumeurs d'alcool et de cocaïne aussi que c'est sûr que c'est vrai. Mais donne pas cette analogie-là. C'est sûr que les Beaulieu font de la peau. Il y a du monde qu'ils ont vu faire mais c'est sûr qu'à mon commentaire, tu mets l'huile sur le feu un peu. Alex, ça, on le sait, on s'en doute. Mais style DG, là. Ouais, mais allez, ça parle pas de ton seul. Joueur. Ouais, je sais, mais c'est comme. Style DG, fais pas d'allusion à ça. T'as donné du gaz gratuit en hostie, genre pour le monde qui. Ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, dans le fond, parce que nous autres, on sait qu'il y a du ça, puis c'est faux. Mais nous, on fait. Ah, oh, c'est un alcoolique, hostie. C'est un alcoolique. Un bol. C'est un bol. Un chien bol, le mec. Ah, c'est correct. On peut faire l'autre extrait de Gadjinek, puis je vais chercher un bol après ça. Fait que voici l'extrait numéro 2. un joueur qui marque 30 buts dans une saison, il y a des choses de positif aussi. Okay? C'est certain. Alors, c'est Chucky qui parle. Son asset, le nom en français m'échappe. Son atout. Son atout le plus élevé, c'est ses mains sont lancées. Alors, son atout. Alors ça, il l'a pas perdu. C'est juste que souvent, Alex, je pense qu'aussi, il a perdu un peu de confiance. Si Claude le met tout le temps en même position, puis ça fonctionne pas, une partie d'un entraîneur, c'est que les trios fonctionnent. Alors, même la partie qu'on avait mis à Détroit, quand Claude avait mis sur le quatrième trio, il y avait deux bonnes chances de marquer. Il s'est fait voler un but extraordinaire par la gardienne de Détroit. Alors, écoute, encore là, pour moi, j'espère qu'il a pris deux pas de l'arrière, un pas de l'arrière pour en prendre deux l'an prochain, pour revenir plus fort, puis apprendre la leçon qu'il y a eu cette année. Est-ce que c'est confus, pénible? Moi, sérieusement, là, je pense qu'il ne fait pas exprès. Pour vrai, là, moi, je vais aller à l'encontre de ce que tu dis complètement. Moi, je vais dire, il ne peut pas faire exprès. Ça ne rend même pas compte. Ça ne se peut pas faire rassemblant. Moi, je suis sûr qu'il se dit, avec. Il n'y a pas personne d'assez. Avec ses adjoints, check-moi bien en conférence de presse, je vais te les perdre, là. En me fuckant avec mon français. Check-moi bien, man. Je vais tout lui fucker ça. Puis ils doivent rire en hostie. Ils doivent être crampés de ça. Mais ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas d'allure, hostie. Ils contournent les journalistes en faisant comme penser Chris qui est pas bon. Alex, il y a une bonne. Il préfère fourrer des petites dunes, hostie, d'un bon coup. Ouais. Alex, c'est deux pas. La deux journée, pas derrière. La journée, genre, que t'arrives pour le photoshow de la game de golf, t'es pipé comme un hostie de malade. Ça n'a pas de bon sens, en tout cas. On le sait. Lui, c'est juste des filles de 21-22. Ah ouais, ben regarde. Dangereux ça, des chips en plein milieu de la table. Comment c'est qu'on a jamais bon fait ça? Je sais pas, Rito Nouveau, on mange des Doritos à chaque épisode. Sur les podcasts, ça a l'air qu'on le fait pas. Faites pas chialer après parce que. Non, faut juste que tu manges pas dans le micro direct. Ouais, dans le micro. Soit manger dans le micro ou roter dans le micro, c'est assez proscrit. Roter, c'est jamais le fun. Non, c'est jamais le fun. comme parler comme Bergevin. Là. Oh, c'est pas intéressant. C'est sûr qu'Alex, bon, il y a une bonne asset. Là. Comment tu dis? Un atout. Il n'a pas les mains liées, mais les mains étaient liées, mais il n'a pas lié. Mais il a pris deux pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant. Il y a un bon chiffre une fois dans une game à Nantes. Il y a un bon chiffre à Détroit à 14 minutes 38 qui a eu un bel arrêt du gardien. Là. Mais peut-être perdu confiance, mais. Il a retenu ce chiffre-là. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Il n'a pas perdu rien, mais il a perdu la confiance. Je suis comme Chris. C'est confus. Bon, alors, d'autres. Lui, il sait comment rester là longtemps en poste. Là, tu sais. D'autres excellents extraits de Bergevin. Il y a Crack and Code. Là. Prochain extrait, il va nous parler du recrutement du chez le Canadien de Montréal. Code, j'imagine que c'est encore une fois savoureux. Écoute, le repêchage est c'est une chose qui est très difficile. Tu fais des projections sur des jeunes de 17 ans. Puis, je peux te nommer les meilleures équipes de la Ligue nationale qui ont eu des choix repêchage. C'est le meilleur bord de danseuse, tu parles. Aller de la bonne façon. Alors, on a on peut aller en arrière plus longtemps, mais on a un petit atterri de la canine. Je comprends rien. L'opinion à nous en interne, c'est un très bon joueur de hockey avec beaucoup de potentiel. Il y a des joueurs que ça n'a pas fonctionné, mais encore là, ça arrive. C'est certain que moi, le mot moi. Qui est important, c'est qu'il y a des joueurs dans toutes les rondes. Il faut aller les chercher. Mais il y a aussi tant d'autres équipes qui compétitionnent avec nous. Alors, pour l'instant, non, j'ai aucun problème avec notre recrutement. Puis enfin, pour développer, mais écoute, en ce moment, les Ice Cap ont fait les séries. Les Ice Cap, ils sont Claude, moi, aller les voir. Ils sont en première ronde. Puis on va continuer à travailler dans cette direction-là. C'est pas un art qui est facile, mais je sais que mes recruteurs travaillent beaucoup et sont très conscients de nos besoins. Est-ce qu'il met l'art pareil? Hein? Il n'y a pas de bon sens. Les Ice Cap ont fait les séries, ça fait sortir en 4 en première ronde. Fait qu'on va ramener le fer. Ils sont sortis en 4? Ouais. À ces belles réponses-là, moi, je me dis... Hey, c'est l'équipe pour laquelle que je cheers, ça. Depuis que, genre, j'ai... Ouais, puis qu'ils ont jamais rien fait. Calice, là. Puis c'est la même bataille le 20 avant le lockout, c'est-tu, pour dire, hey, ça nous prend vraiment un centre. Chris, fait 12 ans, là, de ça, man. C'est la même hostie d'affaires. Puis là, on se fait changer de DG. On fait, hostie. Non, moi, le centre numéro 1 qu'on a eu depuis... Non, mais dans Chris... Dans il a joué au centre dans Fuss, right? Hein? C'est le dernier centre numéro 1 qu'on a eu au Canadien. Pierre Turgeon, là? Ouais, il restait un an. Ouais, c'est vrai, Pierre Turgeon, c'est vrai. C'est notre dernier centre numéro 1. Yannick Perrault. Hey, ouais, tabarnak, numéro 1, ça. Non. Mais hey, ça fait longtemps, tabarnak, là, Pierre Turgeon. Dernier centre numéro 1 du Canadien, ça. Yannick Perrault. Wow. Hey, on se calme, là. Hey, wow. C'est le passe-mortel, mais on dira pas n'importe quoi. Dave va cacher la gueule, c'est le chip par son nez. Le spécialiste de mes eaux au jeu. Ouais, c'est ça. Alex m'a vraiment regardé comme s'il était super sérieux. Mais c'est pas un bras de premier trio, là. C'est pas une bonne assiette. Mais, je le sais. Un atout. C'est un atout. Juste que t'étais vraiment... Ah, c'est comme y a pas un asset, là. Un atout. Ça le prendrait en soundbite, ça, sur soundboard. Ah, un atout. Je veux juste entendre Claude qui dit un atout. Je l'ai pas Claude aujourd'hui, mais j'ai encore d'autres Bergevin par contre. Là. Prochain extrait, il va parler de Carey Price et de son contrat à signer qui s'en vient. Mais je veux pas avancer trop loin. L'intention de Carey, je suis convaincu, c'est de rester à Montréal. Fait qu'on va faire tout possible pour le garder ici à Montréal pour vraiment le reste de sa carrière. On va faire tout possible pour le reste de sa carrière. Pensez-vous qu'il va rester Price? Ah ouais. Ah ouais, moi je pense que oui. Ouais. Moi tout, man. Je pense qu'il est sincère dans ce qu'il a dit, puis ça a été dit. Il a dit je veux jouer à Montréal. C'est un gars intègre, ça. Je crois un gars qui dit ça. Je pense que. S'il avait dit, mettons. Si, t'as peu. En deux bouchées de chips. T'as peu. Je pense pas, en parlant pas dans le micro. T'as peu. Si Price joue pas à Montréal, là, sérieusement. C'est ça qu'il mettait pas de chips à la table. C'est ça. Si Price signe pas. Pas de spinner. Hey, tiens, ben ça. Ouais, laissez-nous Mark parler, là. Là, j'en fais un statement, là. Ouais, statement. On va te prendre le. Arrête le game tag l'année prochaine. Mets une note là-dessus. Arrête ça. Mets un post-it, là. Un astérix dans les notes du podcast. Si jamais Price signe pas à Montréal. Après, qu'est-ce qu'ils ont en conférence de presse? C'est fini, man. Si je change de club parce que, genre, j'ai même fait bourrer là, oublie ça. Moi, je pense qu'il va signer à Montréal, c'est sûr et certain. S'il le fait pas, après, tout dans quoi qu'il s'est engagé verbalement, à dire « Ah, je suis prêt à accepter une drop de salaire » puis tout ça pour faire un Martin Brodeur de lui, là, dans le fond. Faut pas qu'il fasse ça. Eh ben, Chris... Faut pas qu'il fasse ça. Peut-être, faut pas qu'il fasse ça. Ça, je m'en calisse. Mais moi, après qu'il y ait ça devant les journalistes à Montréal, je perds la foi, genre là. Okay. Ouais, mais il prendra pas une drogue de salaire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'affaire à prendre une drogue de salaire. Il n'y a pas d'affaire à aider l'équipe, puis rien. Lui, il vaut 10 millions. Non, mais Alex, c'est bien où ce que tu vis. T'aimes Montréal? T'aimes ça et ça? C'était une mauvaise décision de Martin Brodeur de faire ça. Et tout, parce que c'est vraiment pas bon pour les autres goalers dans les nationales. Ça a fait comme, ah, oh, ben le meilleur goaler, il gagne 4 millions par année. Hey, tous les autres goalers, c'est-tu comment ça a fait? C'est un genre de dernier des Mohicans, man, qui veut. C'est vrai, vrai, son c'est agent, son, c'est la, Ligue nationale, la Ligue nationale a pété une coche hein, quand ils ont reçu ce contrat-là. Puis on dit à l'agent, ils ont appelé l'agent Martin Brodeur. Ils disent, what the fuck are you doing? Tu baisses le marché pour toute la Ligue. Là. Puis il a dit, ben, c'est du quoi? Il dit, Martin m'a pas écouté. Puis c'est, lui, il est parti. Il a dit, je sais pas ça, hein. Tu sais que ça avec ta famille. Non, parce c'est parfait. Mal... Puis c'est parfait pas... l'agent, ça va l'agent, il a dit à Martin, il a dit, je veux rien savoir, je dis, t'es plus mon client. Si tu sais que ce contrat-là, t'es plus mon client. Ouais, mais Alex, la aussi, non, ça stabilise la marché. Ligue. La Ligue a on pété une ligue, coche. On est d'une ligue où ce qu'on paye les goalers ban trop cher pour qu'est-ce qu'ils donnent en réalité. Non, c'est le meilleur goaler, fait qu'il mérite 10 millions pendant 8 ans. C'est tout. OK. Voilà. Mettons qu'on respecte ta logique, là. Pourquoi que lui prendrait un salaire? Moi, là, j'aimerais mieux que ça se situe au joueur de troisième trio. Quoi, c'est en prenant 2 millions, en prenant un bas salaire de 2 millions qu'il va pouvoir, on va pouvoir prendre un centre numéro 1? C'est quoi? 4 millions? 5, 6, 7, 8? Ça coûte un joueur, là. C'est quoi? Ça donne à rien. Le 2 millions qu'on va laisser à la table, ça va juste bénéficier aux Canadiens puis aux propriétaires du Canadien. Ça bénéficiera pas à l'équipe, là. Même s'il signerait pour 8 millions ou 7 millions, c'est... ça donne absolument rien. C'est ton meilleur joueur, c'est le meilleur goaler, c'est 10 millions pendant 8 ans. Ça finit là. Toi, tu voilà. Es une malade, toi. Mais Chris, c'est ça. Toi, tu devrais apprendre la job, Alex. Ouais. Il reste 3 beaux un agent. Toi, là, tu dois des affaires en arrière du World Trade Center. C'est, Alex, c'est un bon agent du joueur. C'est juste une bonne chiffre, ça. Tu payes ici. On peut c'est Old Dutch, on peut être commandité par réseau. Hey, Old Dutch, si, envoyez-moi une caisse de chips et des nettoyeurs. Viennent de passer un sac en 15 minutes. Nous autres, on veut la marque de chips, genre avec un petit creux indien dessus. Là. Les Yum Yum. Ouais, toi. C'est un Amérindien. C'est un natif. prochain extrait, c'est. C'est probablement mon préféré, c'est quand il parle de Beaulieu. Les affaires, genre quand il est Redskins. Ouais, c'est quand que Bergevin va parler de Beaulieu. C'est ça, celui-là, on l'écoute. Marc, il prend la moitié du sac dans une bouchée pour être sûr de pas avoir. On l'écoute Bergevin sur Beaulieu. Marc, tu fais pas d'excès de voyage. Ce que tu mentionnes, il a été mis dans la première pairing. C'est un. Écoute, il y a du beaucoup de potentiel, OK? Mais à la fin de la journée, le joueur pourra prendre les responsabilités. Il faut qu'il prenne les responsabilités. Quoi? OK, that's OK. Il faut qu'il prenne les responsabilités. OK, fait que je suis pas prêt à pointer du doigt Claude Julien, Jean-Jacques Demiaux, Martin Lapointe, Robert. À un point, le joueur prend la responsabilité. Est-ce que je suis rendu où? C'est-tu quelque chose de mental? Pourquoi tu peux jouer 6 bonnes parties, puis après ça, avoir de la misère pendant 12 autres? Tu sais, on n'a rien changé, là. Alors... At some point, the player has to take ownership. Puis, quand tu dis une expression, le crossroad est venu pour Nathan. Le crossroad est venu pour Nathan. Puis est-ce qu'on a donné, on en s'est servi à lui, pas du tout. The clock is ticking. Quoi? On en s'est servi à lui, pas du tout. The clock is ticking. The clock is ticking. Fait que Beaulieu, The clock is ticking. Beaulieu, hey, on est amené à crossroad, là, OK? C'est un désaveu, ça, là. Ah, fini. The way the clock is done, it's fucking done. Quand tu dis, quand t'es un DG et tu dis the clock is ticking, tu peux pas dire ça devant des journalistes. Ça veut dire qu'il est out. Là, il a dit dans le fond, t'as du potentiel puis ton là, temps achève dans la ligne. Faut pas trop qu'il bâche, là. Ouais. Faut qu'il échange peut-être. faut really worthless. Faut que tu sois un bon politicien, c'est ça. Mais il a quand même un peu bâché en le faisant. Pourquoi lui, il se prend de le bâcher lui puis pas d'autres, tu sais? Ben lui, il mérite un reste. Ben ouais, je t'accorde. Par son attitude plutôt. Lui, il mérite. Moi, sérieusement, là. Tu peux retourner des premiers tapes. Des premiers tapes. Cette année du podcast, dans mes attentes, je me souviens très bien des premiers épisodes qu'on faisait avant que la saison commence. Une de mes grosses attentes, c'était Nathan Beaulieu. Qui jouait avec Weber. Qui cette année, moi je me souviens, je me disais, cette année, c'est l'année de vérité. C'est l'année qui va, ça passe, ça casse. Parce qu'on l'attend, ça faisait déjà un. Mais c'est lui, il fallait qu'il remplace Markov pour que Markov puisse jouer sa deuxième. Mais tu donnes vraiment Beaulieu, dans le fond. Parce que oui. Honnêtement, tu penses-tu que ce gars-là n'a pas de talent? C'est sûr. T'es sûr et certain. Il est trop épais. Pas ça. Hey, dans Junior, je vois même pas non, sur le powerplay. Il a du talent, il est nonchalant, puis il est pas responsable. Mais il y a du talent quand même. Non, t'as peu. Il a le potentiel, mais il exploite pas. The clock is ticking. The clock is ticking. C'est ça, man. Moi, j'ai comme le palais en feu, man. Mais vous arrêtez pas de manger les chips. Ah, je pensais qu'il y en avait, ils ont tous passé dans le sac. C'est comme le palais sans arrêt, man. C'est sans arrêt. C'est addictif, ces chips. Ah, c'est fou, man. J'ai mangé 3-4, là, mais. Ouais, bah ouais, ok. Je mange jamais de chips, puis là, je suis comme. Dave, je pense qu'on a comme fini le sac ensemble. Il en reste des natures dans la cuisine. Faut pas que tu le penses. On l'a fait. Aïe, aïe. Ça a duré 4 minutes. Hein. Deux extraits, puis il n'y a plus de chips. C'est paf! Mais c'est pour ça. On dirait que t'as amené le bol. Ils sont comme à plein ciel ouvert, mon gars. Sti, pis là. C'est pour ça que j'en mets pas des chips. Attends, d'habitude. Ouais, continue. Il reste deux extraits. Bergevin nous va nous parler de Vegas et de ce que ça va impliquer par rapport à ce qu'il y aura à faire cet été, Bergevin. Ouais, c'est sûr, de signer un joueur autonome, puis le risque de perdre, je veux dire, ça n'avance pas beaucoup de l'avant. Alors, cette année, ça va être beaucoup, ça va être différent, ça va être, pour moi, une expression anglophone, uncharted water. Like, I've never been, j'ai jamais fait une classe comme DG, d'expansion, alors, il va falloir être vraiment aux attentions, puis faire les bonnes choses. Uncharted waters. Ouais, dans des eaux inconnues. Il n'a jamais été DG durant une expansion, puis il ne sait pas à quoi s'attendre. Ben, il y en a pas beaucoup. Ben, il y en a des DG, mais il y en a pas mal d'eux qui n'ont jamais fait ça. Okay, ouais. Ça Uncharted waters. Ouais, des eaux inconnues. Des eaux, hein. En terre inconnue. C'est la première fois d'entendre ça, mais... C'est des eaux non cartographiées. Il n'y a personne qui avait le petit affaire pour checker. Là, moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la petite affaire là, avec les étoiles. Pourquoi qu'il répond genre à des médias francophones, il fait des allusions hyper anglophones. Parce qu'il sait pas parler anglais. Il parle pas bien en anglais. Non, c'est ça. Mais il parle bien en anglais, c'est juste qu'un accent. Ouais, je sais, mais il parle pas super bien. Il connaît bien ses en mots anglais. En anglais, ouais. Mais tu sais, c'est juste qu'il y a un accent, puis il est pas nécessairement naturel. D'après moi, tu vas avoir des chips à terre. Hein. C'est juste pas bon pour parler. Il y a des graines de Doritos entre les affaires. Fait que ça, je mange depuis tantôt. C'est des graines de Doritos au ketchup qui datent de lundi pour être au niveau numéro 105. Allez, écoutez ça. C'est pas vrai, on peut voir la caméra. Si ils sont molles, c'est parce qu'ils sont pas frais. Ils sont pas frais. Il reste un extrait. Et puis, la question qui était posée à Bergevin, c'était si il considérait que Beaulieu et Chucky étaient des joueurs de premier plan. Ben oui. Donc, on va écouter sa réponse. Non. Premier plan, écoute, je suis pas certain. C'est certain que je suis pas, parce que je peux pas être certain basé sur ce que j'ai vu cette année. Je suis pas certain. Il y a du potentiel, mais je suis pas certain. hey, on les compte après. Comme je te dis, je vais toujours faire le possible pour améliorer l'équipe. Puis, je suis pas certain. Ça n'arrêtera pas. Je suis certain de. Je suis pas certain d'être certain. Faut écouter le nombre de. Combien la confusion pas certain. Combien de pas certain? Premier plan, écoute, je suis pas certain. C'est certain que je suis pas. Parce que je peux pas être certain basé sur ce que j'ai vu cette année. Je suis pas certain. Il y a du potentiel, mais je suis pas certain. Mais comme je te dis, je vais toujours faire le possible pour améliorer l'équipe. Je suis certain, pas certain. Ça arrêtera pas. Ça arrêtera pas. Mark, pendant l'extrait, avait genre une chip complète collée sur le chandail, c'était merveilleux. Complète. Mais non, mais ça, c'est plus savoir pas parler, là. Je suis certain, je suis pas certain d'être certain avec ce que j'ai vu, je suis pas certain. Je suis certain d'être pas certain. Ça, officiellement, là, c'est comment détourner une question, puis comment. Ouais, ça veut dire qu'il est vraiment pas certain. Avec une réponse. Non, je pense que. Non, c'est même pas qu'il est pas certain. Ça, c'est que genre, il est genre, si je veux pas répondre à ta question. Puis je vais te répondre par te disant, genre, ben certain, je suis pas certain. Oui, on est certain que t'as l'affaire, mais je suis pas certain que t'as ça. Tu sais, genre, tu sais. Moi, je pense que ça montre la confusion, puis dans son subconscient, il est pas certain. C'est juste ce mot-là qui sort. Je suis pas certain. Moi, je pense qu'il est certain de la bullshit qu'il dit. Moi, je pense pas qu'il est si bright que ça. Non, moi non plus. Non, mais pour vrai, je pense pas qu'il est même trop pas hypé pour être bright. Il est comme le mentaliste, là. Non, moi, je pense que c'est... Chris Angel? C'est tout compté, ça. Mind Freak? Ouais, c'est ça. C'est pas Esmer ou comment? Moi, je pense... Non, mais tous les scénarios... Anyway, toutes les questions des journalistes qui sont posées, il sait, genre, qu'est-ce qu'il va se faire poser. À l'avance, fait que c'est toute une conspiration de marketing. Ah, c'est pas une conspiration. Sauf Tony Marinaro qui est le scénario. Mais on sait, genre, que le... relationship là, genre des Canadiens de Montréal est vraiment poussé, genre celui qui contrôle comme les conférences de presse, fait que dit Benjamin Donald Beaujean. Ouais, exact. Fait lui, c'est sûr il va dire attends-toi à te faire demander ça. C'est quoi tes réponses? Es-tu prête? Et il est préparé en tabarnak là. Il arrive pas là devant le micro genre mais il sait pas parler. Non, il y a toutes là les réponses à toutes les questions, le champ de possibilités de questions. Ouais. Certain, pas certain. Non. Ça, non. Là-dessus, mais, il demande, mais certain d'être il pas dit, certain. Il dit, non, il dit à Bergevin, si t'es pas certain, vas-y, ad lib, mon gars, là, tu y vas, genre, pis... Sois naturel, la monde catcheront rien. Quand il est vraiment plus certain, il parle en anglais, mais après ça, il demande à Claude... Un atout. C'est ça, Claude, merci. Ouais, là, il dit, une fois de temps en temps, demande des mots à Claude pour t'aider. Pour montrer pour faire montrer au monde que t'es vraiment calme. Il a dit le coco un petit peu, monsieur Humpty Dumpty, là. Shine-y à noix. C'était exactement le temps qu'il y avait pour les extraits audio. Je vois loin de même dans mon calcul. Toi, tu vois qu'il est over, man. Ah, moi, je vois ça, là, comme un c'est comme le gars dans House of moi, Cards. Moi, je vois ça comme les Freemasons, mon gars. Là, les francs-maçons. Ah, c'est ça, man. Les francs-maçons. Moi, je vois ça, là. Les francs-maçons, pas c'est un les francs-maçons. Ouais, moi, je vois ça même les Canadiens, là. Les tailleurs de pierre. C'est genre une mini-sphère. Parlant des très grandes sphères, là, tu sais. Les tailleurs de pierre. C'était quoi, les pierres à feu aussi? Ceci il y avait la société secrète de je sais pas quoi. Les pierres à feu, là. Il y avait un genre. Ah, les bisons. Ah, la fois des bisons, là. Ouais. Les c'est plus comme un genre de chevalier de corps. Ouais, ouais, c'est un genre de chevalier de corps. C'est vrai. En affaire, si tu fasses genre si c'est. Bah, c'est une franc-maçonnerie. Pendant qu'elle pense que c'est une carotte. Ah ouais, il te passe genre. Il va avec les dents. Ils mettent un bébé chèvre, là, qui veut comme être allaité, là. Il t'attache après avec l'autre sœur. Voulez-vous toujours nous commander les chips au Dutch? C'est vraiment. Là, tu fais tirer ça comme un spaghetti, man. Qu'est-ce que ça? Va en pause! Va en pause! On vient à la troisième période. On est de retour pour la troisième période. Regarde, la dernière période de la saison avec le Fab Four, est-ce le Fab Four. Le team original de la soirée du podcast. Les vieux de la vieille, les gars qui ont mal dans le bas du dos. Ouais, c'est ça. Fait que... Malade est plus vieux. Maintenant que c'est fini mais cette saison-là... C'est quoi le pacing que Malade nous a envoyé? Non, c'est pas Malade, c'est moi ça. Je veux savoir... C'est un pacing. Ce que Bergevin aura à faire cet été pour la prochaine saison, qu'est-ce what the fuck, le Canadien, en ce moment-là? Moi, sérieusement, là... On est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Je ne crains plus en rien, c'est-tu. Pour de vrai, je ne sais même pas ce qu'il pourrait faire. Moi, là, pour vrai, là, non. C'est, sérieusement, là, on le sait pas. C'est un hostie de... Chris, c'est indescriptible. Bon, un peu comme on signe-tu Radulov? OK, ben pas ça a l'air qu'il demande. Dave était prêt. Moi, j'avais des notes. OK, t'as des notes. Dave, ben, non, mais... Dave est organisé. Non, mais j'ai juste pris genre des petites affaires de quoi qu'on pourrait parler. Justement, Radulov, on fait quoi avec Radulov, mettons, là? Ça dépend. Ouais, mais à t'sais, combien? C'est quoi les chiffres? Ça va être 5 millions. Puis on le sait-tu longtemps? C'est comment qu'elle m'en est 7 millions pour 5 ans? Combien de temps, justement, c'est ça? C'est combien? C'est 7 millions 5 ans, à peu près, genre, là, selon les spéculations. Ouais. Fait que, admettons, tu dis que son agent, il bide haut, genre, pour arriver 6 pour 4. Non, ça sera pas. Moi, je pense qu'il. Regardez, peux-tu permettre de payer Jean Cher, tu sais? Moi, je pense plus qu'il cherche un contrat de 5 ans safe, ce gars-là, au meilleur salaire possible. Il cherche le contrat long terme. Contrat long terme, le Radulov, Chris, ça dépend, mais pas à 6 millions, parce que quand il va arriver dans sa dernière année de contrat. Mais moi, je pense qu'il va pas signer ici, à moins qu'on aille chercher un centre. Si on va chercher un bon centre, moi, je vois pas pourquoi. Ouais, mais un bon centre pour qui, là, c'est ça? Pour lui, puis Pacioretty. Parce que lui, il va voir ça, il dit Chris, non, à qui free, je vais jouer. Lui, il est agent sans compensation. Là. Ouais, mais il vaut ce qu'il veut. C'est ça, il tu vas pas chercher le bon centre pour lui. Mais c'est ça, il va me regarder Bergevin, il dit OK, avec qui je vais jouer. Là, tu m'offres tant d'argent, tant d'années. Ouais, avec mais, qui je vais jouer. Ouais, mais il free d'aller ailleurs. Bergevin, il n'y a aucune prise sur lui. Ben, c'est ça. Mais il peut mettre ses conditions. Bergevin, ça, je dis, il peut mettre ses conditions. Il dit ben, moi, ça me prend un joueur, un premier centre. Il va faire fuck off. Il va aller voir le cash, puis voir sa carrière, puis ça, ce qu'il veut. Il va jouer avec des bons joueurs. Pour son après-retraite. Il va sécuriser sa vie. Mais avec qui il va jouer, il va essayer de influencer sa décision. Il va s'en coller. Il va acter, même s'il aime Montréal, il aime jouer ici, il enjoy, on l'aime, tout ça. Je veux dire, il va aller chercher le contrat. Il va aller chercher l'argent avant le genre de partisanerie. Mais on y a-tu le contrat? Je sais pas, ça dépend. Ça dépend c'est quoi. Alex, ça on remplace par qui? À 6,5 millions, tu vas-tu le chercher? Ça, c'est l'autre. On remplace par qui? Le problème, c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut tout s'en passer. Admettons qu'on signe pas lui. Admettons qu'on signe pas lui parce qu'on décide d'investir dans un centre en faisant un trade, d'aller chercher une grosse masse salariale, whatever, OK? Mais si les options, ça, là, de quoi de gros? Là, tu il faut que Bergy fasse la place. Ouais, mais là, tu perds un allié. Tu échanges de quoi de gros? Tu perds un allié. Ouais. Parce que tu le signes pas lui. Ouais, au détriment de on signe. Ouais, mais là, t'as un trou à l'aile, pareil. T'as un trou à l'aile si tu le signes pas. Ouais, t'as c'est un trou au centre en plus. Ouais, mais admettons, tu le signes pas au détriment pas d'aller chercher un joueur de centre potentiel. Hein? Si tu ne signes pas pour aller chercher un centre, ben là, il va ouais, c'est ça. Allié. Tu comprends, il va manquer. Si tu signes, mais tu n'auras pas de centre. On a besoin des deux, là. Ouais. Ben oui. Hey, Maldi, c'est un besoin criant. Ouais, oh, mais. Oh, oh, fait que oh, là, si on ne signe pas, on n'a pas assez d'argent pour en signer deux. Non, c'est pas un besoin criant. Oui. Price est un besoin criant. Notre centre est un besoin criant. Radulov n'est pas un besoin criant parce que, au pire, peut-être qu'on peut essayer de rentrer dans la course pour. Radulov, j'ai pas dit Radulov. J'ai dit on a besoin d'un centre. Ouais, c'est un besoin criant. Puis d'un ailier, c'est un besoin criant aussi. Mais là, il y avait des affaires du monde qui disaient imaginez qu'à mettons, on réussit à rapatrier Kovalchuk, qu'on réussit à garder. Mais là, je le veux pas dans mon équipe. C'est pas un centre, Kovalchuk. Non, un autre ailier. Mais c'est un autre ailier, mais par exemple, qui va jouer avec Radulov. Mais les deux vont vouloir la puck puis shooter. Moi, je pense que les deux ensemble, ça marchera pas. Kovalchuk, ça va être intéressant, mais les c'est deux, un ça va être. Pas plus que 3 ans. Les si deux veulent la puck. Ok, ben parfait. On va chercher qui comme centre. Parce que là, présentement, on a qui comme centre. On a qui, man? Ben, là, on a Plekanec, on a Galchenyuk qui est pas sûr si c'est un centre. Ah, ils ont dit c'est un allié à parlons donc de Galchenyuk un peu. Qu'est-ce ben, qu'on fait avec Galchenyuk? Ben, il s'en va à l'arbitrage et on va regarder. Qui mange de la merde. Puis on le fait jouer où? Au centre ou à l'arbitrage? Trouvez-y une chaise. En conférence, ils ont dit que c'est un allié. C'était pas un centre, un allié. Fait que notre ligne de centre est encore pas. Parce que moi, je te dirais que parmi les organisations de la Ligue nationale, il y a plein de monde qui vont à Galchenyuk dire moi, je suis capable de leur lancer comme ça. Ouais, sûrement. Mais sûrement. Mais tu vas donner quoi c'est un risque. Tu vas donner quoi pour c'est un restricted free agent, by the way. C'est ça, exact. T'auras rien d'intéressant pour Galchenyuk présentement. Non, Montréal, il faut qu'il signe Galchenyuk. Puis qu'il trade après. C'est sûr. Ben après, mais qu'il performe. Non, moi, je te dis, signez-le à petit prix pendant long terme. Comme, donnez-y le contrat patio. Non, mais il y a déjà fait. Ouais, sa place. Ouais, mais sur patient. Ils ont déjà fait le bridge contract avec. Ils n'ont pas le choix de se donner ouais. Genre. Mais là, il est encore restricted. Mais patio, il a eu son bridge de 2 ans, puis après, il a signé ce contrat-là. Ouais. Puis il a signé un mapa. Il l'a fait son bridge de 2 ans. Il n'est pas free. Il a fait combien d'années? Hein? Le bridge, 2 ans. Puis après, il a fait 6 ans, 4 millions. Le bridge, il a 2 ans, puis après, il a fait 6 ans. 6 ans, 4 millions. Là, Galchenyuk est rendu à signer un contrat de 5 ans. 6 ans, 4 millions. 5, 6 ans. C'est ça, 5, 6 ouais. ans. Ouais, mais ça faisait 6 millions. 4 millions, ouais. Avec la saison qu'il y a eu, ça serait possible. Après ça, s'il explose, ça devient une aubaine à la patcherie. Non, c'est l'affaire. Ouais. L'affaire, c'est que tu signes 6 ans, 4 millions. Puis après ça, tu trade. Parce que là, tu l'as signé pas cher, puis là, tu peux laisser l'occasion. C'est un gamble, c'est ça. C'est un gamble à ce stade-ci. Là, parce qu'il n'y a rien prouvé. Il y a du talent jeune, c'est clair, mais il n'y a rien prouvé. Il a montré son aspect talent, qui est capable de scorer des buts. À même titre que Tyler Seguin, whatever, c'est dans quel team qui va l'exploser. Il a montré parce que là, il n'a pas explosé total. Ouais, ouais. Il n'a pas explosé avec régularité, comme quand régularité tu manges beaucoup d'argent. C'est pour ça, je veux pas revivre Tyler Seguin, mais au Canadien, qu'est-ce qui est arrivé avec les Bruins. Ça, on ne saura jamais tant que ce ne sera pas trop. Beaulieu, par contre, c'est notre histoire. Oui, lui est parti. Mais Beaulieu, il n'a pas de valeur. Il mange la merde. Beaulieu, il n'a pas de valeur en ce moment. Ouais. Hey, ça, c'est, il n'y en a pas de valeur. Qu'est-ce que tu veux faire, Chris Beaulieu? Tout le monde l'a vu. Pas de valeur. Oui, tu vas avoir un choix. Il y en a une, mais elle n'est pas. Tu vas avoir un. Il y a des teams qui veulent de ça, mais pas. Si Beaulieu avait reaché son genre de prime qu'on attendait de lui, là, il y aurait une valeur. Il y aurait une valeur de top 4. Puis là, il y a une valeur. Sérieusement, sa valeur, c'est un point d'interrogation. Ah, mais c'est-tu quoi? Oui, mais je pense qu'un DG va jouer là-dessus. Mais un DG va se dire, genre, moi, ouais, je pense que je peux peut-être faire de quoi. Ouais, ouais, mais c'est pas un gros gamble. Mais s'il fait un trade à la Dano pour un gars qui serait comme une surprise comme Dano, pour un défenseur, ce serait prêt à être bon. Ça pourrait. Ouais, mais attends un peu. Mais en même temps, ouais, tu vas aller chercher ouais, quoi, mais Dave, ça, Dave, on le trade à la perte. C'est ça, un Dano, genre, on, un ouais. défenseur. Ouais, mais dans je veux dire, ouais, Beaulieu, ouais. Beaulieu, ce qui est supposé être prospect dans sa façon de jouer, tu le deals à la perte parce que tu l'as collé dans les estrades à la fin de la saison. Tu as fait un désaveu envers lui. Les autres équipes font « Moi, je te donnerai pas tant parce que tu le benchais. » T'es le DG de Montréal, tu penses qu'il vaut combien, ton Beaulieu? Il te vaut un top 2? T'es malade. Non, mais logiquement, dans ta tête, quand tu l'as genre... Beaulieu, on aurait espéré que c'est un top 4. Présentement, il vaut ça. Ça, je vais donner. Mais quand tu l'as repêché... Tu voyais non, un top 2 d'après moi. Là. Beaulieu, tu peux l'échanger comme prospect, moi je pense, comme un 5-6. dans cette position-là, là, dans cette paire-là. Tu vas avoir un 7. Tu vas avoir un 5, 6. Non, plus qu'un 7, je pense. Parce que je pense qu'il y a une équipe, il y aurait des équipes qui seraient prêtes à prendre un gamble sur lui et dire comme, ben, t'as donné un autre joueur à problème. Blablabla. C'est justement, tu vas ils vont donner quoi, un tes problèmes. C'est ça, non, problème. Ils vont donner un de leurs problèmes pour que toi tu ou un tes problème, problème qui est un problème. Mais tu sais, ça, c'est un gamble pour les deux teams, mais en même temps, t'as rien de. Ben, Beaulieu, ça va être un trade de gamble. Tu sais, long parce qu'il a perdu sa valeur. S'il avait œuvré sur un top 4 cette année, on le garderait, on se poserait pas la question. Puis là, son niveau top 4 qui était supposé reacher. Il l'a pas fait. Fait que là, on dirait qu'il vient comme de. Dans le marché, genre, des défenseurs, il vient de dropper comme un défenseur parmi tant d'autres. Ouais, mais juste, mais avec un astérix de genre. Ouais, il y a potentiel. Il peut peut-être te donner ouais, ça. Tout à fait d'accord. Ben, il est encore jeune. Fait que, tu sais. Ça fait partie de l'astérix de il peut. Il est pas trop peut-être. Tard pour le il gars. Il est jeune et fringant. Ce gars-là, c'est bon. C'est ton atout. Avec son père. Un atout. L'atout là, de lui, là, c'est genre, c'est son astérix. Il y a les éléments pour. Peut-être. Mais. Il y a toute sa tête. Il y a-tu plus sa tête que Phil Kessel au banc pendant les playoffs qui se parle ça? Ah, mais parce que Phil Kessel, il a rempli le net. Oui, mais je l'aime. Chris qui a l'air fou. Moi, là, sérieusement, là, asti, je l'ai. Il est tellement gros. Je le sais, puis je l'aime pour ça. Parce que c'est un genre de outsider, de genre, ah, il est vraiment qui comme... score des buts. Il est tout seul là. Dans la chambre. Il est pas dans la tête. Lui, là, c'est comme un joueur avec une mentalité de goaler, genre. Là. Il n'y a personne qui le comprend, ce gars-là, c'est sûr. Là. Yeah, oui, c'est le genre de gars genre qui se claque une palette de chocolat avant d'aller. Lui, c'est un loner. Il se claque une marque. Quasiment comme le gars de Buffalo dans le temps qui faisait des Legos. Ah, c'est... Quoi? Le gars le gars de Buffalo aussi qui faisait des Legos là, qui était complètement décortiqué lui-là. Là. Je m'en mets un blanc là. Il a été suspendu super souvent puis full cheap shot. Ah, si j'ai retrouvé son nom. Hein. D'accord. Okay. OK. Fait que Dave, t'avais d'autres affaires là-dessus ou on parle de ben là on peut ben oui, je veux dire moi aussi j'ai d'autres on parle comme Bergevin là. Sur ce qu'on parle. Ah là ouais, non. C'est ça. Non, ben là ben peu ben bon. On va rester mettons en défense. Markov. Regarde. Moi, je le garde. Moi, j'ai dit tantôt. Mark en a parlé tantôt. Toi, tu le gardes pas, moi? Je le garde 2 ans au même salaire. 2 ans, max. Markov, c'est un an, moi. Il s'égrera pas un an. Deux ans, même salaire, man. Groom-moi mon Sergachev. Groom-moi mon Sergachev. Moi, c'est sûr, je le garde. Il n'y a pas personne présentement dans l'équipe qui est prêt. Mais le vieux russe va groomer le jeune. Est-ce quelqu'un qui est prêt à prendre sa place présentement dans l'équipe? Pas n'importe quel prix. Oui, parce change, que t'as personne à prendre pour prendre sa place. Non, pas à n'importe quel prix. Mais... À son prix, au même prix, man. 3 millions. 3 millions. Un an. 4 à 3, man. Ben, dans ces eaux-là, 3 à 4. Beaulieu, un an, 3 à 4. Hey, non, pas un défenseur, là. C'est un numéro 2. Hey, dude, man. On s'entend-tu, là, que. C'est quoi notre défense, man? Beaulieu, il est pas là. Emlyn, c'est pas le genre de Petrie. Il y a de la Davidson. Davidson, c'est Weber, Markov. C'est un défenseur défensif. On a Weber, ouais. Markov, Petrie, Emelin, Beaulieu, Nesterov, Davidson. Ça, c'est notre défense. Tout se débarrasser de Markov. Ouais. C'est une de nos meilleures assiettes. Un atout. Ouais, puis le seul jeune qu'on a, c'est Sergachev, puis l'autre. Hey, non seulement mais Sergachev, c'est même pas. Noah Holson. Learn out, au bout ça. T'as Yolson, puis t'as Sergachev. Ah si, j'aime ça, name dropping. Learn out. Fait qu'après, prends Markov, emmène Sergachev, puis groom-les. Dave, tu laisses tomber tes longs cheveux de prince. Groom-les, si on est les pics, on lise le groomer. Non, mais là, c'est Markov qui parle pas qui va groomer le jeune. Markov qui parle pas qui va trainer le jeune. Y a-tu un trophée, asti, pour les worst groomers, man, dans NHL? Un problème de développement, mais ça, c'est d'autres choses. C'est Seb Brutal qui posait dans Twitter, on fait la question, la coupe Molson, c'est du crise de niaisage, on arrête ça. Ah ouais. c'est t'as raison, mon Seb. Mais c'est vrai qu'est-ce que Mallette a dit, toutes les clubs ont des genre non, de quoi hein. Dans le genre. Là. Mais ouais, c'est gros, tu donnes ça pour la foule, c'est des célébrations interactives. Les joueurs s'en calissent. On avait pris la photo avec... Le pire, c'est que la photo qui a été postée par Seb, genre c'est Price qui s'en calisse tellement. Price, il a déjà pas réclamé le trophée, il l'a donné à quelqu'un d'autre, il était tanné de l'avoir. Il a déjà refusé aussi, ça a été un des premiers à refuser d'aller en entrevue à TVA, pas à TVA, à RDS, après, il a dit non. J'ai envoyé quelqu'un d'autre. J'ai envoyé quelqu'un d'autre. Je vais à toi, ouais, c'est ça. C'était la première étoile, Carrie Price! La première étoile, Carrie! Fuck ou... this shit. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça sort de ta game. Tu veux jouer une game importante. Tu fais présenter un autre trophée, t'es comme. Puis là, c'est le petit. C'est le directeur des ventes de Molson. Tu voulais lui a son moment de gloire pendant deux secondes. Hey, je prends une photo de Carrie Price. La glace, représentant aux ventes. Il est trop, la glace est froide. J'aurais une autre personne à discuter. On jase de Pacioretty un peu. On peut revenir un peu sur Pacio, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Pacio? Il mérite ça encore son OC, puis il a ça encore. Il a été un bon capitaine cette année. Ouais, en saison puis en série aussi. Il a pris ses responsabilités. Il a pas. Ben, série, il a pris ses responsabilités. C'est pas défilé, mais pas par les séries. Ah, excusez. C'est pas là le plus je important. Je jugerais pas. Ouais, je vais juste faire un petit point. Là. Le joueur que je parlais de Buffalo tantôt que je jouais au Lego, là, c'était Caleta. Ah oui. Le genre de style de Ouais, lui, il était weird. On vous invite à vous acheter le site de Lego Caleta. Ah merde, ce gars-là. Son passe-temps, c'était faire des Legos. Mais anyway, OK. Fait que c'est ça. Ben, Pacio, c'est quoi tu dis, toi, c'est Pacio? Je sais pas, man. Tu enlèverais le C? Non. Non? C'est beaucoup mieux. Tu t'en débarrasserais de Pacio ou s'il y en avait un? Moi, sérieusement, le Canadien qu'on a là, le capitaine. Je pense pas que je le veux comme capitaine de serre. Moi non plus, je pense qu'il met trop de pression. Il n'a pas scoré, mais les dernières games, il y a quand même... Il y a eu la chienne un petit peu. Ouais, mais il l'a perdu. Non, mais dans la dernière game. Non, mais t'as vu. Il s'était levé. Il s'était levé. Il avait Steph Léa en fin de saison. En saison, il l'a fait. Puis en série, il a prouvé. En série, ben Chris, on l'a perdu. Là, attends un peu. On peut-tu mettre ça sur. C'est quoi? Il a perdu par un but à toutes les games. On compte pas. C'est les blessures. Je peux-tu savoir, moi, c'est quoi le problème qui nous empêche d'aller chercher le Chris de Puck dans le coin? Tu sais, genre, là, de gagner les batailles le long de la bande. Le quatrième trio le fait. Ouais, non, mais les premiers matchs, on a été bons là-dedans. On a gagné nos batailles. Après ça, ça l'a arrêté. Ouais, mais maintenant, ça devient fantomesque. Pourquoi ça arrête, le puck, là, il devient comme on l'a pas. On l'a jamais, man. On n'a jamais le Chris de puck. Moi, j'ai jamais vu ça. Une équipe pas combative de même. Pour avoir là, tu parles des séries. Les séries. Moi, je parle quand la game. C'est juste ça qui est frais de mémoire. Pendant l'année. C'est sûr que c'est ça qui est frais dans la mémoire. Puis c'est ça. C'est là que ça compte. C'est le but. Tu fais tout ça pour ça. T'as pas fini premier dans la division, finir huitième dans la conférence. L'important, c'est où tu te rends. Moi, sérieusement. Le capitaine, c'est quoi? Moi, sérieusement. C'est le gars qui est devant la caméra. C'est rien d'autre, capitaine, là, pour l'instant. Moi non plus. Capitaine, c'est plus que ça. C'est pas juste un ça six devait être. Ouais, il est supposé de montrer l'exemple, mais il y en a combien de vraiment bons si capitaines? Non, Alex, dans la culture du hockey, capitaine, c'est important. Si c'est juste le gars dans la caméra, pourquoi ils ont enlevé le C à Thornton? Si c'est juste le gars dans la caméra. Ah oui, ouais, c'est un point. Je veux dire, c'est pas juste le gars d'un Chris, caméra, c'est qui à Chicago qui a le sait? C'est Taze, man. Puis c'est pas le meilleur de la caméra, lui. Ah, moi, je suis vraiment pas. Mais non, tabarnak, il est boring. Même que j'ai dit, vous aviez un point. Son nickname à ce gars-là, man, c'est Captain Serious. Tout le monde a raison. J'ai dit, it's fine. OK. Je suis content. Je suis content d'en parler aussi. On est content là-dessus, là. Asti qu'on n'a jamais fini avec Tarien. Mais il est temps un peu là, Tarien, quand même. On peut pas l'effacer. Il partira jamais. Il veut comprendre, il faut qu'il reste là. Hey, formate-moi Tarien. Formate-moi pas Tarien. Voilà, c'est un beau malaise là-dessus. Et voilà. C'était tout, Dave? Bah, écoute, ouais. La seule affaire que je pourrais dire, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le style de développement? On a-tu re-signé le Five? Oui, call, ça, c'est un sujet des sujets. Là, ça, je suis un petit peu contre. Moi, je comprends rien. Man. Ils ont signé le Five, ouais, qui a fait les playoffs une fois en 5 ans. Sorti en 4. Man, fuck that shit, man. Moi, je comprends pas. Les jeunes m'ont pas. Sérieusement, c'est le country club de Belgique. Moi, tu me parles des Canadiens en ce moment, là, puis c'est un gros point d'exclamation. J'avais plus de notes. Check ça. Combien de joueurs de la AHL sont devenus full-time NHL dans les derniers 5 ans? Aux Canadiens? Des Canadiens? Ouais, ben, il doit en avoir 12. 0. 5? 5. 5 étaient de l'édition actuelle du CH, le repêchage de 2007. Ryan McDonough, Max Pacioretty, P.K. Subban, Alex Galchenyuk, Brendan Gallagher. Après les deux ça, t'as Lekkonen, Beaulieu, McCarron... Fini, man. Ben là, fait que. Ben c'est ça. C'est quoi que ça envoie comme message? Depuis 2007, en 10 ans, on a juste ce nombre de joueurs qui ont été à la NHL à temps plein. temps plein. Dans tout le recrutement. Élevé par nous autres. Élevé par nous autres. De nos joueurs qui sont dans la Ligue nationale. Depuis 10 ans. Ouais. Man, c'est pas beaucoup. Là. Tout au premier choix. C'est 10 premiers choix. T'es supposé de bâtir ton club par le repêchage. Sur 10 premiers choix, puis il y en a combien là-dedans que c'est des premiers choix de repêchage? Il y en a juste 5 qui sont dans le Canadien. Puis tous les joueurs que j'ai nommés là-dedans, il y a Ryan McDonough, mais il joue pas pour Montréal. Ça, c'est un premier choix. Mais hey, ça, puis ça, là, c'est juste en 2007, ils ont repêché. Cette année-là, là, ils ont repêché McDonough, Pacioretty, PK Subban. Fait qu'il y en a 3 dans la même année. Année, ils ont repêché ces trois gars-là. Price. 2007, 2005, Price. En 2007, ils ont repêché McDonough, Pacioretty, puis Subban. Galchenyuk, c'est un troisième en 2012. Brendan Gallagher, c'est un 147e en 2011. Puis mon petit Charbac, Lekkonen, 57e, 55e en 2013. Beaulieu, 17e en 2011. McCarron, 25e en 2013. That's it. Dégalasse. Puis René, lui. Dans le cas de René. Fait qu'on a-tu un problème de recrutement non, ou de pas. Développement? Moi, je pense que c'est développement. Mais Alex, en fait, tu dis que c'est un problème entre le club école puis le Canadien. On recrute bien, mais après ça, quand il arrive dans la NHL puis les coachs, la NHL, sont pas capables de développer. Ah, moi, je pense que c'est recrutement et développement. Laval? Il est à Laval? Non. Non, ça a juste été. Le problème, c'est les Maltby puis. C'est quoi l'autre? La pointe puis tout ces choses. Non, Laval, ça va juste être plus cool de rappeler des gars. Ça coûte moins cher. Ouais, c'est moins loin aussi. Ouais, mais ça coûte moins cher, mais c'est plus simple. Ouais, parce que souvent Montréal, ils rappellent des gars quand ils vont jouer à Buffalo. Parce que dans le temps que c'est Hamilton, tout ça. Tu sais, ils rapatrient des gars quand ils vont jouer proche de leur côté. Là, c'est la journée 1, ils peuvent y aller. Ben oui, là, ils peuvent. Morning Skate, il va être là pour le Morning Skate. Il recall n'importe qui. Tout s'est entraîné un brasseur matin. La plupart des clubs écoles ont leur club ferme dans leur. Un peu l'inverse. La plupart des clubs de la Ligue ont leur club ferme. Fucking on est bien organisé. Dans l'Est complète du Canada, c'est comme what the fuck. C'est ça. Amène-les dans l'Ouest. Non, sérieusement. Sérieusement, moi je suis plus en mesure de dire qui fuck entre le scout et entre le développement. Peut-être que le scouting est bon. Ouais, mais qu'est-ce qui faisait que le scouting est bon? Est-ce qu'il paraît? Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'il le dit depuis tantôt. Je pense qu'il dit que c'est pas mal le développement. Les scouts, je pense, vont bien. C'est vraiment, tu sais, comme. Il fait une bonne job, le Trevor Timmins. Tabarnak, Mark, il en restait plus. On l'a violé, le sac, man. C'est quand il passe de AHL à NHL, c'est là le problème. Ils sont pas capables de faire le saut de la AHL à NHL. Ouais, c'est souvent les coachs qui sont à Montréal. C'est le gars de développement des joueurs. C'est Martin Lapointe, Scott Mellenby, puis. Les autres, il y a Bouillon, Astor, ils ne sont pas capables de développer les joueurs, les faire passer au prochain niveau. Get to the next step, esti. Ben, moi, je suis d'accord, man. Je pense, moi aussi, c'est ça. Tu sais, comme je dis, peut-être, we're on uncharted waters. Maybe it's both. On est peut-être juste tanné, puis de la calice de marre. Fuck it, les deux, man. C'est les deux. Je t'ai carré, sérieux. Le développement soc. Moi, je suis pas pensé pour vrai. Là. Sérieusement, là, en tant question, que. C'est pour ça que en tant que gars qui trip hockey, là. Ouais, moi aussi. Non, mais en tant que gars qui trip hockey en général, là, je regarde les Canadiens, je me dis tape. Allez-vous tanner, vous autres? Moi, je tanner. Ah, moi, je tanner. J'ai hâte, ça fait un peu. Mais, tu sais, là, on joue les jeux comparatifs. Ah, ils ont oublié tel gars en première ronde, on a pris tel gars. Ça, c'est facile de faire ça. Mais si tu regardes les autres équipes, c'est des joueurs de 4e, 5e, 6e ronde, même, qui sont devenus vraiment bons. Fait que ça, c'est du développement. Puis, il était disponible. Moi, là, on aurait pu le faire. Ça, rendu là, c'est des tu moi, mon seul point, là, c'est on peut-tu recommencer? C'est du développement ou une étincelle? Ouais, mais on peut-tu recommencer à se compter un petit peu plus au Québec et tout? Là? Ah, il y a deux recruteurs au Québec. Ouais, c'est dégueulasse. On veut les francophones dans l'équipe, c'est ça que tu dis? Ben, non, mais on s'en fait passer, genre, pour autre nationalité, des francophones qui vont jouer ailleurs puis qui performent bien. Il n'y en a plus beaucoup de francophones dans la ligue, man. Ouais, on en manque, on en a manqué, par exemple. On les sort, on a manqué. On en manque dans l'équipe. On a manqué dans l'équipe, mais je veux dire, il y en a beaucoup moins qu'avant. C'est beaucoup plus dur d'avoir. C'est comme Pajot, là, comme... On a une source. On a une source au Québec, on a manqué. Ah, ouais. Je dis pas qu'on en manque pas. Non, il y en a pas. Combien de joueurs québécois dans la ligue sont genre là? Marchessault, tous les joueurs Chris, qui tu peux pas tous les avoir. Tu peux en avoir quoi? Non, mais on aurait pu les repêcher. Aujourd'hui, tu sais. Marche saut, man. Si on aurait pu ramasser ça. On aurait pu ramasser. Pour les pogner. Tu veux que Timmins est un peu trop focusé à l'Europe. Moi, on scout pas, man. On scout pas. Ben, on est, non, non. Là. On est super bon en scouting professionnel. Fait que pour trouver du Byron, du Dano, man, des perles dans la main que les autres équipes ne voient pas. Des gars, ça, on est excellent. Ouais, des gars qui évoluent déjà, genre, dans le professionnel. Ça, on est excellent. On est bon pour aller checker ailleurs. C'est là qu'on a fait nos meilleurs. Radulov, Dano, puis Byron. Ça, c'est tout du scout professionnel. Mais aller chercher dans le junior. Ouais, dans le junior, sti, man, sérieusement, on devrait plus pas mal plus. Ouais, ben, on s'en fait buster dans notre face. On est à Montréal, tabarnak, on est au Québec. Tu sais, le monde lève le nez, c'est joueurs américains. On est le seul club au Québec, le monde lève le nez, c'est joueurs de la NCAA, parce qu'ils sont jusqu'à 22 ans. Bon, mais ces gars-là, man, sont préparés, puis ils arrivent, ils ont 22 man, ans. Sti, comment il s'appelle? Lui à Buffalo aussi, la NCAA. Mais pas Cherry, la NCAA. C'est Jack Eichel? Ouais, Jack Eichel, il était pas NCAA. Mais souvent, le monde lève le nez dessus parce qu'ils sont juste prêts à 22 ouais, ans. Ouais, mais Louis Leblanc, mais ces gars-là, par exemple. Ouais, puis il joue pas un gros de game. Il y a 318 joueurs. Il joue pas un gros de game aussi, la NCAA. Ouais, mais dans le réseau. Il joue genre à peine 50 games. Dans le réseau là, américain, là, cette année, il y a 318 joueurs qui se sont fait offrir un contrat dans la NHL. Ici au Canada, là, je pense que c'est 2. Ouais. En dehors du repêchage. Au Canada, aux États-Unis, là, c'est comme 310 ouais, mais on joueurs, produit encore la meilleure. On est encore le meilleur pays producteur. Ouais, mais à partir, par exemple, quand ils ont 19 ans, c'est OK, décolle, ça sert, va jouer dans l'East Coast League, va à l'université, non, ouais. Puis que tu vas faire ta carrière là. C'est fini, mais les autres, ils continuent à non, jouer. Non, mais c'est dans parce que les autres. Jusqu'à 22 ans, les autres pays se sont entraînés, ils font des pratiques. Tu le vois dans le mondial junior, genre la Suède, ça vient de plus en plus fort, ouais. Finlande. Puis, ouais, mais les autres, l'association, on est en train de tomber le Canada. Ouais, ça sent un peu, ouais, c'est sûr. Ça shake un peu. Ouais. On produit plus autant de bons joueurs. Il faut changer le programme à la Miracle. Bon, on va se faire voler le show bientôt. C'est fun parce qu'il y a du gras de chips sur ma feuille de pacing. Mais des gouttes collées dans la poubelle. C'est vrai. La feuille de pacing. Okay, ben, le show est fini. Il me reste deux petits sujets, des petites affaires. On va y aller vite. Rapidement, là, l'échange Subban-Weber. Jeff a demandé qui a eu le meilleur. Moi, j'aimerais dire est-ce qu'on peut en revenir? Les deux. Moi, non, mais c'est assez. Moi, je suis prêt à faire un statement. Là, j'ai un doute. Là. Ouais. Ouais. Puis moi, j'étais le premier heureux là, au début. Ouais. Puis finalement, non, mais je veux dire, j'ai un doute. J'en reviendrai pas parce que il est parti. Ben, c'est fait, tu sais. Non, mais c'est fait. Je veux dire, Subban est parti pour tout ça. Puis j'étais le premier à saluer son départ d'un moi, sens. Pas puis pas en me disant genre, que c'était bon, sain, là. Cette affaire-là. Non, mais. Je parle juste. Non, mais je parle juste une patinoire. Finalement, là, je regarde ça puis je me dis. Non, Weber est aussi bon que Subban. Puis il y a même non, d'autres choses. Non, c'est pas pareil. La non, seule c'est, affaire c'est qu'on va dire, c'est un succès ou un échec, c'est que nous autres, il fallait que cette transaction-là, elle paye à court terme. Puis eux autres, les. Puis à court terme, on s'est sorti en première terme. Ronde. Ben c'est ça, c'est, fait qu'on a juste. Je suis cette biaisé année, parce que le fait l'année qu'on prochaine, est sorti en première ronde. Faut que ça paye, genre, dans les deux prochaines années. Là. Moi, si on ne gagne pas moi, les deux Alex, prochaines années, c'est un failure. Alex, moi, je te dis. Là, c'est que ça. Mais c'est quoi? Moi, je pense que ça va être une failure. Parce que. Les risques, c'est tout le Benjamin. La manière que je le vois venir, là, ça va être une failure. Mais c'est pas à cause de l'échange de Subban. Non, c'est pas à cause de. Ça reste à l'entour. Parce que Subban, Weber, un compteur, c'est bien correct. L'échange est très bon. Mais un compteur, mais je suis d'accord. Overall, je pense qu'on serait peut-être meilleur avec Subban en été. Peut-être ouais, pas. Parce que c'est t'as plus un driver Subban, en Léa. T'as mis tes dans chips. Dans la meilleure équipe dans Subban, Canadien, il n'est pas driver avec les Nashville. Là. C'est le troisième défenseur. Non, ouais, mais puis, c'est son apport ouais, est vraiment pas ouais, comme avec les Canadiens. Ouais, mais en playoff, avec nous autres, c'est un gars qui apportait ouais, ouais, beaucoup. Ouais, là, c'est ton driver, mais c'est sûr qu'il apportait beaucoup. En playoff, on n'a pas de il y a personne qui score. Weber, il a apporté beaucoup pendant les playoffs. Non, ouais. Juste quand il a fait, c'est le gars, mais t'as vu que ça a calmé tout le monde. Alex, comprends-moi dans ce que je te dis, genre, là, c'est pas genre. Je veux basher Weber. Vraiment pas parce que c'est un joueur que j'admire puis j'aime puis je suis content de l'avoir avec les Canadiens. Même si on veut pas en parler. Mais c'est juste. Ça flamme les passions. Non, mais t'as peu. Check bien ça. C'est juste que je trouve que tout seul, il est tout seul. Il est tout seul. Après ça, en dessous de lui, il n'y a personne. Puis le backer, il n'y a rien. Il y a fuck all autour de lui, man. Puis là, il est pogné tout seul dans le rôle de asti, je suis la calisse de bitch qu'il faut qu'il fasse tout ça. Non, non. Non, c'est la calisse de. Ça, c'est Weber. Ça, c'est Weber qui est la calisse de bitch cette année qu'il fallait qu'il fasse ouais, tout. Subban lui aurait fait comme je m'en calisse, il faut que je fasse tout. Moi, je vais faire qu'est-ce que je veux faire. Ouais, mais lui, il a puis comme. Je vais monter quand ouais. même, il faut que je sois super responsable ouais, mais c'est défensivement. Une patinoire dans cette optique-là. C'est pour ça qu'il était changé. Subban a plus d'énergie à déployer que Weber. Ouais. C'est pas le même genre d'énergie. Oui, je le sais. Je le sais. Mais Weber dire, en avant-dinette, overall, là, overall, Weber en avant-dinette dépense 10 000 plus d'énergie que Subban. Mais Subban, je le sais pas. Parce que lui, il va batailler en avant-dinette. Mais je sais pas pourquoi, là, mais de la façon de relancer une attaque, tout ça, Subban avec tout. C'est pas le même genre de joueur. Je me pose la question. Je fais pas un état définitif. Mais toi, t'es un fan de Carlson. Je me pose. Ah oui, mais moi, c'est oui. Ben, Subban, c'est plus le même genre de joueur que ça. J'aime les joueurs qui relancent l'attaque solide, mais j'aime les joueurs qui sont hyper robustes et tout. Mais c'est parce que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Ça aurait été d'avoir Subban. Mais là, ça te prend un gars de la patine. Je suis d'accord. Tu prends un Weber avec un Subban. C'est la mobilité de Subban avec la solidité du Weber. C'est pour ça que le gars qui joue avec Weber, il faut qu'il soit mobile. Puis là, après ça, devient un duo de l'enfer. Mais c'est parce qu'on a changé un gros skills contre un autre gros skills. Il nous manquait ça. C'est différent. Différent, mais finalement, je me rends compte que Subban ajoutait. Non, ouais, mais Bryce, ça faisait ramasser. Souvent, ça nous prenait un gars de même. Moi, je pense que souvent, ce genre de joueur-là se complète. Puis à Montréal, c'est ce qu'on n'a pas. Un joueur dans ce style-là. C'est ça. Puis parce qu'on a complété Weber. Markov est capable de le faire. Ouais, mais pour mais le style de jeu de Montréal. Pas autant à grande et. Sur une longue période, tu sais. Ouais, mais pour le style de jeu de Montréal, je me rends compte que finalement. Ah, c'est sûr, Subban fait plus spectaculaire. Via la robustesse, puis la solidité, puis le toughness. Better for the show. Que, ouais. Finalement, ce qui était en tabarnak avec le puck, puis créer des revirements une fois de temps en temps, c'était-tu si mal. C'est pas ça, c'est tout le reste. Je sais pas, man. C'est pas. Hey, non, le hockey play, les deux sont bons. Fait que... C'est pas juste une question de revirement. C'est une question de personnalité. C'est une question de. Ouais, je sais, mais. Admettons que dans mon équation, je fais. Moi, je m'excuse, mais Subban encore, là, qui est à Nashville, puis qui arrête pas encore de parler, qui comprend pas. Je sais, get over it. Ferme ta gueule, man. Arrête de faire ton match. Admettons que j'enlève. D'aller dire que Nashville, genre, fait plus de bruit, genre, pendant les playoffs, que Montréal en a pas fait en 6 ans, genre, là. Ouais, mais Dave, admettons que j'enlève le côté. Va-t'en, man. Ouais, mais admettons que j'enlève le côté vestiaire. Vivez ton moment, là, à Nashville. Mais est-ce qu'il s'est fait poser une question par rapport à ça, justement? Peut-être, mais tu sais, je veux dire, on s'en est encore. Non, non, il dit, mais puis comment t'as trouvé l'ambiance? Hey, man, ça, c'est le building vraiment aussi que c'est le plus fort. Ah, mais il cheer pour sa crowd. Mais compare pas, genre, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu compares avec Montréal? Il aurait pu dire pas, moi. Il a dit Montréal. Ouais, il a dit, genre, ça a fait plus de bruit à Nashville pendant les séries que Montréal en a fait pendant les 6 dernières années. Ah, ça c'est rose. Tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport. Ça c'est mauvais. C'est une raison pour laquelle j'ai changé. Si je l'aime. Ah putain, est-ce Montréal, Subban, il me donnerait jamais ça. Ben moi, quand je souhaite la coupe, moi, l'échange, je veux rien contre l'échange. Ben, j'avais pris le pari. Si ça paye, il faut que ça paye à court terme. C'est pas qu'à long terme, on perd cet échange-là. Si ça paye à court terme, on perd peut-être, mais c'est pas l'échange de Patrick Subban. Subban, là, vas-y, gagne la coupe. Good luck. Hey man, ramène-la à Montréal si t'as gagné. C'est un échange qui était très fair, mais en tant que. Ok, mettons, dans ce que je voulais dire tantôt, c'est je parle en apport sur la patinoire. On enlève. Non. Je te parle là. Game-wise, là, tu sais, là, c'est comme... Ah, bullet point, aussi. Ah, c'est ça, mais c'est sa patinoire. Enlève le côté vestiaire, enlève le côté personnalité. Deux joueurs différents. Deux joueurs différents, puis ça dépend de ce que t'aimes. La transition de puck. Je me rends compte que c'est un gars qui monte le puck en tabarnak. Ben ouais, c'est ça. Puis on l'avait dans notre cours. Puis quand on l'a dans notre cours, on s'en rend pas compte. Quand on le voit ailleurs, on fait comme... Mais Weber, il est bon en transition, mais il monte pas le puck autant. Non, c'est parce que Weber... Il fait une bonne première passe. Ben, sa première passe est malade. Sa première passe, c'est mais genre... Mais il montre pas avec la puck. Sa première passe, c'est genre... Tiens-toi en esti pour la recevoir, là. Est-ce que je regarde la TV? C'est Dave faisait des affaires dans la caméra. Je pense que je l'écoute pas. Mes deux dernières questions. Pensez-vous que Terrien revient dans la Ligue l'année prochaine avec Floride? Il est des candidats en ce moment. Oui, mais je sais pas. Avec un teint bronzé puis du... Il y a eu un autre gars qui a deux... Je te souhaite bien, sérieusement. Tant qu'il y a des Québécois dans la Ligue nationale... Il est bon pour les jeunes puis former une équipe après ça crisser son camp. C'est ça, là. Mais quand il devient vétéran puis tout, puis qu'il suit plus, ben là, il s'en va. Il est aussi bon pour fumer des clubs avec une serviette humide sur la tête. Ouais, mais ça gagne bleu. On n'a pas parlé de ça ouais, ici. Sérieusement, c'est correct. Envoyez-les de l'équipe. S'il revient, par exemple, il envoie les pas au début parce qu'il va envoyer des journalistes québécois pour l'interviewer, c'est sûr. Eh oui. La fin de la serviette. Il va envoyer la belle chance. Non, mais c'est vrai. Hey, envoyez les pas à Vegas, mon gars. Mais non, le nez dans l'enfer du match. Monsieur, Vegas, ils n'ont pas leur coach à Vegas. Ouais, c'est. C'est pas galère. C'est Gallant. Ah, c'est vrai, c'est Gérard Gallant. C'est fait, c'est confirmé. Gérard Gallant. Il me semble que oui. Il me semble que oui, moi aussi. Gérard. Gérard Gallant. Puis ma dernière question pour c'est quoi ton nom? Cette série. Gérard Gallant. Gérard Gallant. Dernière question de la saison. Qui? Oh. va gagner la Coupe Stanley cette année? Selon Asheville, man. Moi, je pense que c'est Asheville. Aïe, aïe, man. Moi, là, il y a trop d'équipes que je me calisse, là. Ben, les quatre équipes. C'est juste qui tu penses gagner, c'est-tu? En ce moment, sur, pour les, pas sur, les, t'aime. Sur les quatre qui équipes qui restent, il y en a trois. Je suis pas capable, moi, de pas être émotif et de dire l'équipe que je voudrais. Tu veux que c'est dans, ça va être Asheville? Ah, mais c'est Ottawa, moi, je voudrais. Moi, je veux que c'est Ottawa. Moi, l'équipe canadienne. Vraiment, à Ottawa. Ah, celui-là que je voudrais, Ottawa. Je vais cheer Ottawa. Mais je pense que c'est Nashville qui va gagner. Parce que là, les Penguins mènent 2-0. Ah ouais? Oh! Deux buts de Crosby. Un but de Crosby. Ah ouais, je m'en ai dit, les Penguins sont fous. Ah ouais, Crosby est fou. Et de 3 pour les Penguins. Je sais que tout le monde voit. Et en gagner? Les Prédateurs, mais je vais dire, final, moi, Sens contre les Ducks. 3-1. Oh, Sens contre les Ducks qui gagnent la Coupe. Les Sens. Ah ouais? Ouais. Le balafré va ramener. Il est malade. Ah, les Ducks ne passeront pas. Moi, je pense que les Ducks vont les passer, Nashville. Non, non, non, non, non. Ils viennent de se réveiller. Nashville, ils sont trop en mission. Ils sont trop bons. Ben, les Ducks se sont réveillés. Ils sont beaux à avoir joué, mais les Ducks, là, sont revenus fort contre les Oilers. Moi, je les trouve plates, le call is a game. Nashville? Ouais. Ah, moi, je les trouve. Moi, j'ai trouvé très. Mais là, Johansson est blessé jusqu'à après. Très, là, si c'était bien. Je pense que les Ducks vont les passer. Mais j'ai trouvé que c'est l'équipe super. Parce que les Ducks, ils reviennent fort dans la série, puis ils ont fait un peu la même affaire avec les Oilers et qu'ils ont perdu leurs deux games en Californie, puis ont été chercher les deux games à. Ouais, à mais les Ducks, ils choquent souvent. J'y trouve pas, c'est quoi, je sais pas qu'ils vont gagner la coupe. Parce qu'en finale, moi, je verrais genre les Penguins contre les Ducks. Là. Ah ouais? Ouais. Penguins sont maganés. Là. Ouais, je sais, mais je pense qu'ils vont. Les Penguins sont hypothéqués, peut-être. Je pense qu'ils vont se rendre en finale de la coupe. Ah, si, ça, en a fait la même. Gang, là, respect. Si, gang, là, respect. Peut-être avec des bandages autour de la tête. Ok, je avec les Pens. Et si il gagne, il reste à long shot. Je me prosterne. Finale, Pittsburgh. Non, mais ça se peut. Pittsburgh contre la Ville. Les Pens avec Pittsburgh Ducks. Ouais, oublie ça. En finale. Si il gagne, ça, c'est du caractère. L'affront des oiseaux. Toi, là, les odds, mon gars, là, ça va vraiment mal ton affaire. Là, parce que, sérieusement, là. Moi, quoi? Les odds. Steve Odds. C'est sûr, man, que. Moi, Mart, là, je vais pour le long shot. Puis je vais pour le underdog. La long shot, c'est vrai que deux. Non, pas deux underdogs. Non, pas deux underdogs. Parce que, non, mais sérieusement, entre les Suns et les Pens, il n'y a comme pas d'underdog. Parce non, que là, les deux sont maganés. Les Pens sont. Ouais, c'est vraiment deux égales, tu sais. La seule affaire, je dirais que c'est comme Malkin contre Crosby. Contre Carlson, genre. Ils n'ont pas de défense, man. Non, je le sais, mais je veux dire, logiquement, mettons, tu le premier défenseur, c'est leur 5-6. Part au début des séries. Ouais, non, mais les autres sont dans Alex, chart, part là. Au début des séries, mais ce match-là, c'est les Pens qui partent, genre, favoris. Ouais, là. C'est sûr. Mais moi, je suis là. Mais imagine, je sais, imagine là, final, non, parce qu'il y a des blessés. Mais je pense que Nashville, ils vont passer à Anaheim, moi. Il y a des chances, pour vrai. Ouais. Imagine une finale Nashville contre Pittsburgh, comment ça va être jaune à la glace. Non, mais ils ont plus le vent dans les voiles. Mais ils sont sur une liste de lancer. Non, mais tu regardes aller pareil dans les c'est games. Deux, ils sont deux, hein, ont gagné une. Les Ducks ont gagné une. Ouais, mais les Ducks, ils ont gagné une game pour se rattraper. 6 minutes, je pense, puis c'était 2-0 pour les Ducks. Ils sont venus jusqu'à prolongation. Ouais. Ils lâchent jamais, puis c'est une équipe dynamique. C'est la première défaite à maison. Bonne chance. Mais il y a une grosse. Ok, il y a une affaire que je veux souligner que j'ai pas catché. Comment, quand t'es rendu en finale de l'Ouest, t'es dans ton hometown, tu joues, ok? Tu joues, puis t'as Ryan O'Byrne qui score dans ton but, ok? Ryan O'Byrne. Non. Il est tourné à l'école. Ah, c'est comme dans le test. J'ai plus walking. Ah, mais Subban n'a pas compté dans son but. Ben non. Non. C'est pas ça? Non, mise en situation, c'est que tu joues à maison à Anaheim, tu joues, ok? Tu joues. Anaheim, puis. Chris, il y a des bancs vides proches de la baie vitrée. C'est Californie, man. C'est comme stress. Et tabarnak, moi, là, sérieusement, je regarde du hockey, là, je vois ça. C'est Californie, nobody cares. Je suis un peu semi-décolle ici. Ouais, c'est au state. Sérieusement, là, puis Nashville, il y a une bien meilleure crowd. Puis Gary, lui, Gary Bettman va absolument sur les Pingouins. Nashville, il y a une crise de crowd. Hey, tu regardais ça, là. C'est fou à Nashville. Hey, man, à Anaheim, là, c'est des bancs vides, mon gars, là. Des first row, là. C'est normal. Partout, man, c'était genre. Parsemé, man, de. Non, mais les bancs sont closés, là. Ouais, avec des réservés avec une toile. Avec une toile dessus. C'est qui, il y a une ça? Bâche. C'est qui calisse des toiles sur le banc? C'est le basket, ça. C'est ça du basketball. Terrible, man. Culture américaine du hockey. C'est voilà. Mais c'est sur ça qu'on va terminer. Là-dessus, c'est mon hashtag outré. Outré. Ville-Vanier. Fait qu'on a dit, je pense, toutes les possibilités tout le monde qui pourrait avoir pour la finale. Regardez, Parachan! Bye! Puis on donne notre. On dédie notre podcast de ce soir à Patrick Caletta. Le gars, de Lego. Un des joueurs les plus dangereux et, pour la société. Fait que nous autres, on s'en va en vacances de en podcasting. Vacances. Yeah! Okay. On se voit 30 juin, tu en fais un. Ouais, moi et Jeff, on va couvrir le repêchage, là, encore une fois. On va essayer d'avoir dans le coin de l'écran la vidéo du repêchage pour rire des cheveux de Rick Dudley, encore une fois, parce que c'est sûr que ça prend quand il y a le repêchage. À moins qu'il y ait un asti trade, là, peut-être qu'on va. Mais le Canadien repêche 25e, ce qui fait que ça va donner un show crissement long si on va attendre le Canadien. Allez, show on a 6. C'est sûr qu'on soit show red. Pourquoi ça? Le pendant le show du repêchage, le Canadien est 25e cette année, donc. Tombe quelle date? 11h. Je pense que c'est pas le premier ou ça, ou c'est le 24? Ah, c'est le premier, 30, ouais. C'est le 30 juin. Premier joueur autonome, yo. Fait que le 30 mais bon, juin, ce sera pour la saison 2017-2018. Yeah. Un genre de barbecue, probablement. 19/20 épisodes. On va essayer, on se rendra à 19 l'année prochaine. Si le Canadien se rend un petit plus loin que 6 matchs en première ronde, on se rendra à 20. On espère que ça rende à 24. Merci d'avoir été là, tout le monde. Aidez-moi encore une fois à me réconcilier avec le CH. Parce que le 25e, c'est le post-mortem. Voilà. Puis il pointe pour ça du doigt avec des clins d'œil. Ça, ça va être au mois de juin. Le Fab Four aussi! Le Fab Four et ouais. Yes! C'était malaisant ça! Bonne été tout le monde! Tape de merde! Avec les doigts mous! Les doigts mous!